Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Hey, Tania. As-tu envie qu'on retourne dans le passé un peu? Pourquoi pas? On retourne en 2000 ans aux enfants. On se fait un throwback Monday. Oh boy, oh, OK. Wow, écoute ça. Assemblage requis d'une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Mais c'est pas vrai, ça. Yes! Plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Tania essaiera de se souvenir du sujet de son segment quotidien. Tania is gonna entertain ya. Et je remplirai votre tête de choses complètement inutiles dans la chronique éducative. C'est refait. Assemblage requis tout de suite. Hein. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce lundi 12 septembre 2016. On est à 227 jours de la fin de la session universitaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Pente. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, que penses-tu de l'intro de 2011 en janvier, l'hiver 2011? Ah ben, c'est pas pire! C'est vraiment notre talent d'acteur. Exactement. Et d'être en vedette, comment tu vas Tania? Ça va très bien, toi? Absolument très bien, belle fin de semaine. Il faisait quand même pluvieux en fin de semaine. Oui, quand même. Hein? Ce matin, c'est frisquet. Je passais devant le beau pavillon Néré-Beauchemin et les gens font du yoga dehors. Oh! Oh, OK! Oui, oui. On y est pas. Si vous voulez une petite veste, une petite laine faire le yoga, c'est spécial. Ben, tu vois, moi, ce matin, en rentrant dans le pavillon, là où se situe le studio, tu vois, cet été, je me suis aucunement ennuyée de l'odeur de fontaine que ce pavillon peut avoir. J'avoue, hein, c'est dans l'air. Oui, exactement. C'est dans l'air. C'est comme on dirait que ça reste. C'est vrai. Un peu comme les oiseaux dans le bois, je pense, sur le petit boisé pour revenir à l'UQTR, il y avait comme une grosse traînée d'oiseaux. Je me sentais comme dans Birds de Alfred Hitchcock. C'était incroyable. C'était incroyable. Et moi, aujourd'hui, je me sens comme un ninja parce que je suis habillé en pantalon noir et en chandail noir. Hey, c'est vrai, moi aussi. On fit même mes cernes. Sont noirs. Sont noirs, ça fit avec l'ensemble, c'est génial. Veux-tu mettre de l'argent sur combien d'heures j'ai dormi cette nuit? Selon l'heure à laquelle tu m'as texté pour dire qu'on allait être en onde, je vais y aller avec 2h30. Hey, exactement 2h30! Tu t'es couché à 2h30 ou t'as dormi 2h30? J'ai dormi 2h30. Oh boy, OK. Ouais. OK, t'as pas niaisé, là. C'est pas des jokes. Moi, tant qu'à faire les affaires, j'ai fait pour moi aussi. Ouais, hein? Ça commence une belle semaine, ça. On a dit maintes et maintes fois depuis la semaine passée, tu sais, des fois, on parle à travers notre chapeau, que la semaine commençait, que la session... Je sais fou commencer officiellement le 12. Oui. Je sais pas qui a sorti cette rumeur-là, c'est complètement faux. Ah, OK. Bon. Nous, on est déjà en nombre depuis le 6 septembre. C'est vrai. Et le reste de la programmation, c'est fou. On se fait attendre. Ben oui. On se fait attendre. C'est la vie. Living la vie d'Aloca. Comme disait Ricky Martin. Oui. Bref, l'émission d'aujourd'hui commence par notre chanson thème originale de Vallès Pariétaire. C'est toujours le fun de commencer avec notre vieille chanson thème une fois de temps en temps. Tout ça parce que je trouve pas la clé USB. Un matin. Ouais. T'es quoi, je sais pas où, si vous savez où est la clé USB à Mathieu, s'il vous plaît, ramenez-nous là. Ah, il y a tellement parce de... Parce qu'elle a disparu. C'est toutes nos intros qui sont sur la clé USB. Mais je croise tellement de panneaux, pas de panneaux, mais de poteaux près de chez moi avec des chats perdus ces temps-ci, c'est ridicule. Ah, je sais. C'est ce qui se passe avec les petits chats. Je sais pas, l'automne, la fin de l'été, qu'est-ce qui se passe avec les ça? Les déménagements. Peut-être les déménagements, mais j'ai envie de mettre ma clé USB sur un poteau. Ah, ben tu pourrais. Pour être drôle. Un babillard au moins. Recherche. Ça serait déjà un bon début. Tu sais, puis si quelqu'un a pris ma clé USB, je veux pas accuser personne, mais il y a comme deux émissions en ondes assez fou en ce moment. Ouais. Fait qu'on va vous trouver. Exactement. Je vais vous trouver. Je vais... C'est quoi dans Taken? Nous allons vous torturer. Nous allons vous torturer. C'est ça, je me sens comme Liam Neeson. Pas de café pendant une semaine. Donc, l'émission d'aujourd'hui va avoir lieu avec des vieilles intros, de vieilles chroniques, juste pour s'amuser, juste pour rester dans la thématique de l'hiver 2011, pour aucune raison du tout, à part que c'est ce que j'ai de sous la main. Exact. Sinon, à l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a ta chronique à toi qui s'en vient plus tard à l'émission. Tania's Gonna Entertain Ya, quoi de neuf aujourd'hui? Ben, on va parler de mémoire, de souvenirs et d'intelligence. De mémoire comme dans J'ai oublié ma clé USB. Exactement. Et de mémoire comme dans la mémoire USB. C'est ça, t'as mémoire flash. J'ai fait cette chronique-là spécialement parce que je savais que ta clé USB allait être nulle part ce matin. T'es une divine. Tu sais ça? Bonté divine, c'est incroyable. Moi, j'aimerais sérieusement prendre 3 secondes et demie. Je sais pas si vous nous entendez dehors. Wow. Il y a comme 42 personnes qui sont en train de faire la construction à côté de nous et qui sont comme spotées devant les fenêtres. Puis depuis tout à l'heure, ils nous regardent, mais ils voient pas Mathieu. Je cache un petit peu, mais est-ce que. Donc, salutations aux gens de la construction qui travaillent dehors. C'est un gros bac pour les déchets de construction, ça? Oui, exactement. Ça semble vouloir se passer sur le toit. Alors, d'ici quelques instants, ça se peut vous entendiez des fantômes dans l'émission. Est-ce que tu te rappelles, il y a vraiment super longtemps, genre plusieurs mois, probablement début de l'année scolaire précédente, qu'il y avait des fenêtres qui avaient été pétées au dernier étage du pavillon de la... c'était celui-là, je pense? Oui. Celui-là. La vitre était par terre pendant des semaines. Ils ont fini par la ramasser ou je sais pas si ça s'est bien dégradé, mais non, je sais pas. Ça a disparu à un moment donné. Et les fenêtres ont été placardées, je sais pas si ça a rapport avec ça. Peut-être, je sais pas, mais c'est un gros container là, présentement. Hey, on part pour rien dire. Hey. C'est incroyable. C'est fou. On est lundi, donc on va faire du C'est un fait sur l'ancienne intro de C'est un fait. Ça va être tout ce qu'il y a de plus downer tout à l'heure. On va aussi faire du son foutu palmarès dans quelques instants, mais avant ça, une pièce de Michelot. Oh, tu veux dire des gens comme moi? Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai préparé. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Hey, bonne émission, Anthony. Hey, tout à l'heure. Tout à l'heure. On s'appelle. On s'appelle. J'ai regardé autour de moi qui sont tous ces gens que je ne reconnais pas. J'ai écouté, ils parlaient de quoi? Et j'ai demandé, qu'attendez-vous de moi? Ce qu'ils ont dit, je ne le sais pas, mais ça m'est égal. Et que je n'ai pas, je l'échangerai. des gens comme moi de Michelot. Assemblage requis. Maintenant, c'est son foutu palmarès, mais comme j'ai pas ma clé USB, je n'ai pas mes thèmes et ça me fait souffrir énormément. Donc, on va chanter par-dessus une chanson tout à fait générique de fond d'émission. Okay? Ouais, ok. C'est quoi? Tout allait pour le mieux, jusqu'à les autres nous allaient. J'étais numéro 2, de son de blabla, son foutu palmarès. Bon. Voilà. Donc, son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, j'ai fait une chronique thématique sur la caféine. Oh, que Tania. Je t'aime! Ah, ben moi aussi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc, des hacks. On va commencer par des hacks de votre café que vous devez connaître selon popsugar.com. Si le café est quelque chose que vous aimez déjà, évidemment, vous allez adorer ça. Mais si vous n'êtes pas des fans de café, peut-être que vous allez commencer à aimer ça. Mm-hmm. Hein? Moi, en tout cas, je prends mon café noir habituellement, toi. Moi aussi. À toi aussi. On est des gens qui aiment ça goûter le café en tant que tel. Ouais. Même si certains disent que le lait fait ressortir la saveur du café. Faux, totalement faux. Totalement faux, non, c'est on veut la saveur nature. C'est pas vrai. Café. Donc, popsugar.com nous offre ses petits hacks, des petits trucs pour votre café. Commençons en faisant notre propre lait qui ressemble à du lait de latte dans le micro-ondes. Ah, OK. C'est pas de marché d'affaires de la vapeur de lait à la maison. Tu peux y créer ton propre lait super mousseux dans le micro-ondes en brassant un petit peu de lait dans un pot maçon et en le passant au micro-ondes sans le couvercle pendant environ une minute. Tu vas avoir donc de la mousse sur le dessus. Ça va ressembler à une tasse de café qui ressemble à une tasse de latte qu'à une tasse ouais, de café. Oui, exactement. Voilà. On se comprend dans le micro-ondes du lait. Ben oui. Et ben, ensuite, on ça ajoute... Ça fait pas ça? Non. Ah. Ah ben Colin, toi, madame la fendante, tu savais déjà ce premier conseil-là? Ben je l'ai déjà fait, j'ai... oui. Et ça fonctionne? Ça dépend. Ah, raconte. Faut pas que ça déborde. Ouais, ben là, du lait, c'est sûr que faut surveiller ça pas mal de proches. Oui, exactement. C'est comme quand tu fais... Moi, je dirais d'y aller en temps de 20 secondes, mettons. Bonne idée. Bonne sur idée. Sur votre minute. Exactement. Ensuite, on ajoute des épices chai au filtre pour avoir un chai latte fait maison. Ah, ben oui, bonne idée. Ouais, donc du chai latte, du chai thé. Des fois, c'est ce que vous prenez pour emporter, peu importe au restaurant. À la place d'acheter ça régulièrement, parce que ça coûte cher, on peut faire son propre café chai en ajoutant les épices comme la cannelle, du poivre noir, de la cardamome, des clous de girofle et mm-hmm. du gingembre, voilà, votre filtre de machine à café avec le café moulu. Donc, ça va sentir super bon partout dans la maison en plus. J'y avais jamais pensé. Une excellente idée, je trouve. Ça change le goût, ça change le mal de place. C'est sûr. Des fois, on a besoin un petit peu de changement comme ça. C'est du poivre noir concassé, du peppercorn en basse. Ensuite, combiner deux affaires de déjeuner pour faire un latte gruau latte. Hein? OK. Donc, si vous ne savez pas si vous devriez prendre un gruau ou un café latte, vous pouvez les mélanger ensemble. Donc, c'est une base de gruau avec de la cassonade mélangée avec du lait à la vapeur, de l'espresso et un peu de granola sur le dessus. Parfait pour vous remplir le bedon et en plus vous remplir de caféine en même temps. Ah ouais, mais penses-tu que ça remplit pendant un bon bout? Du gruau d'habitude, oui. Ou il faut que t'en prennes 12. Ah, c'est céréales, c'est bon, mais ça remplit. C'est... Ouais, mais là, c'est une tasse à café, là, c'est pas un bol de gruau, mettons. C'est quand même pas des alphabets non plus. Ça, non ça, plus, c'est... t'as bien raison. Mais c'est bon et j'ai redécouvert les alphabets en fait, ça donne. C'est le fun. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Et on est rendu comme à 12 camions. Ils se sont donné le mot d'ordre pour venir se stationner devant nos studios. Oui, tout à fait. La construction, c'est le moment de faire ça alors que la rentrée des classes est commencée. Ben oui, tu sais. Ensuite, toujours dans les hacks de café que vous devez connaître selon popsugar.com, on dit d'aérer votre café pour faire sortir la saveur. Ah, OK. Si ton café fait à la maison ne goûte pas aussi frais que vous aimeriez, il y a une façon facile d'aérer votre café ou de mettre de l'air dedans. C'est une technique que plusieurs baristas utilisent pour créer une douceur, pour arrondir, si on veut, le côté plus amer du café. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va étirer notre café jusqu'au sommet du verre. Donc, tu veux dire en le versant? Ouais, c'est ça, exactement. Comme ils font au Café Morgane, par exemple. Exactement. Et pub gratuite. Versez ça dans votre verre vide qui est à la hauteur de votre taille. Donc, vous êtes à la hauteur de votre comptoir avec votre eau chaude ou avec votre café. Vous prenez votre verre, vous le mettez à la hauteur de votre taille, vous répétez ça quelques fois et ça va faire une petite mousse, un café noir un petit peu plus crémeux. Ah, mon Dieu. Ça a l'air vraiment bon. Vraiment? Ensuite, je comprends pas pourquoi, par exemple, sur la photo, il y a de la menthe. Oui, et de la glace. Ah bon? Pourquoi pas? Hein? Voilà. C'est une photo pour illustrer le café. Oui. Ensuite, faites votre propre café glacé en 2 minutes, vraiment pas cher. Moi, en tout cas, je suis accro au café glacé. À la chasse-galerie, je ne prends que ça parce que j'ai plein de trop chaud. Mais c'est pas, pour la plupart, pratique d'en acheter à tous les jours. Ça prend un petit peu cher à un moment donné. Donc, une recette de café glacé qui est, selon popsugar.com, une des meilleures. Ça se fait en moins de 2 minutes avec des granules de café instantané. OK. Donc, on va aller voir ça sur, sur le site popsugar.com. Le lien, encore une fois, est sur assemblagerequis.com. Donc, attention. Voilà. Donc, on peut avoir un café glacé crémeux en moins de 2 minutes grâce au café instantané, nous dit-on. Ils utilisent du café colombien de chez Trader Joe's. Bon, la marque importe peu, là, c'est celui qu'il avait sous la main. Ouais, c'est ça. On peut utiliser n'importe quel café instantané moulu. La recette est super facile. Pour commencer, on fait chauffer quelques cuillerées à table d'eau sur le micro-ondes, soit sur le poêle ou sur, peu importe, dans une bouilloire électrique, jusqu'à ce que ça boue. Ensuite, on verse ça dans un verre de vitre et on mélange une cuillerée, une grosse cuillerée de granules de café. Jusque-là, ça va. Ensuite, on remplit le verre jusqu'à la moitié avec le lait de votre choix, que ce soit du lait d'amande ou peu importe, et un petit peu de sirop de vanille pour rajouter du sucré. Ça pourrait être aussi du lait aux amandes à saveur de vanille, évidemment. Et on laisse assez de place au sommet pour mettre quelques poignées de glace. Ah, mon Dieu! Et on est prêt à partir avec un café glacé fait maison, super facile, en moins de 2 minutes pour vos matins de semaine ou encore pour même commencer votre fin de semaine sans avoir à trop perdre votre temps. C'est merveilleux. Il y a un petit guide illustré sur assemblagerequis.com avec des photos. Ensuite, on va hacker le Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks. Tu connais la fameuse citrouille épicée chez Starbucks? Ben oui. Le PSL, comme on l'appelle, hashtag PSL. Donc, vous allez pouvoir faire votre propre Pumpkin Spice Latte à la maison avec une autre petite recette, encore une fois, de popsugar.com. Sans que la vidéo parte seule. Arrête-moi ça. Entre. Donc, maintenant, vous savez que chez Starbucks, c'est fait avec du vrai, de la vraie citrouille, contrairement à avant où c'était de la fausse citrouille. Ouais. Donc, si vous voulez pas payer à tous les jours pour vous en payer, si vous voulez pas dépenser à tous les jours pour vous en permettre un, voilà. Donc, on a acquis une petite recette pour la faire à la maison avec du sirop de vanille et de la citrouille épicée, bien sûr, combinée avec du lait vapeur et du café pour rivaliser Starbucks. Donc, les ingrédients, une tasse de lait, une cuillerée à table de sirop de citrouille épicée, une cuillerée à thé de simple sirop de vanille, deux shooters d'espresso ou une tasse de café. Ouais. Comme un petit peu, c'est l'équivalent. De la crème fouettée pour garnir un petit peu sur le dessus. Et de la citrouille épicée. Donc, on parle de parties égales entre de la cannelle, du gingembre, de la noix de muscade et du clou de girofle moulu. Pour encore une fois faire la garniture sur le dessus. Ah, ben de oui. Votre verre. Donc, c'est vraiment super simple. Pour vrai, tu vas me trouver vraiment ridicule de dire ça. Numéro 1. Dans un pot maçon, ou un pot qui va au micro-ondes, peu importe, qui a un couvercle en passant. Il faut ajouter du lait, le sirop d'épices de citrouille et le sirop à la vanille. On va sceller le pot et on va le brasser jusqu'à temps que le lait fasse de la mousse. OK. Et qu'il ait doublé de volume. OK. Ensuite, on va retirer le couvercle, on va mettre au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes jusqu'à temps que le lait soit bien vapeur. Ouais. Et ensuite, on va verser le lait chaud, soit dans de l'espresso ou du café. On va rajouter de la crème fouettée et un petit peu d'épices. Pour vrai, ça a pris quoi? Vraiment pas long, en tout cas. Même pas 2 minutes. Vraiment un super hack pour imiter le Pumpkin Spice Latte chez Starbucks. Bonne idée. Ensuite, on vous dit de moudre vos propres grains de café pour une saveur plus fraîche. Comment on fait? Donc, pour évidemment, il faut une machine, un grinder, une moulineuse à café. Des fois, ça peut être cher, des fois, ça peut être pas cher. Il faut magasiner un petit peu, mais ça peut faire toute la différence dans votre café matinal. On dit que moudre vos propres grains le matin va vous donner une saveur plus fraîche et plus forte, plus punchée un peu. Ouh, mais ça me parle. Ça, ouais, exactement. Et pour vrai, si vous cherchez un petit peu sur Amazon, entre autres, il y en a des vraiment pas chers, des pour moudre le café. Ensuite, lorsque vous faites du café à verser, là, du pour-over coffee qu'on appelle ça, oui. C'est-à-dire le truc va sur ta tasse et tu verses ton eau et le café tombe directement dans ta tasse. Oui. On appelle ça un pour-over coffee en anglais. Donc, on nous suggère de rincer le filtre avec de l'eau chaude en premier. Ah, OK. Donc, des fois, tu as peut-être remarqué, si tu as déjà fait un pour-over coffee, je ne sais pas comment on appelle ça en français, sûrement café renversé, j'ai aucune idée. Donc, des fois, ça peut goûter le papier. Quand tu fais ça, on peut éliminer facilement ça en rinçant le filtre de papier avec de l'eau chaude avant de faire le café. Ah, c'est génial. Ensuite, on parle de liqueur de café au Kahlua à faire soi-même. Mmh. Pour ceux qui aiment le Kahlua, là, qui n'aiment pas le Kahlua. Ben ouais, tu sais. Donc, si votre idée de cocktail parfait a du café dedans, vous pouvez apprendre à faire votre propre Kahlua maison. Donc, c'est sur, encore une fois, popsugar.com. Tout vient de là pour cette chronique-là. Donc ici, attention, ça dit... Vous voulez préparer ça à l'avance en passant pour peut-être, quand vous en avez besoin, encore pour le donner en cadeau. Mm-hmm. On dit donc que... Est-ce que j'ai les instructions ici? Oui, c'est ça. Donc, ingrédients, on parle d'une bouteille de vodka, on parle de rhum foncé comme du pampero, on parle de sucre, on parle de grains de café, de gousses de vanille, de bâtons de cannelle, de morceaux de cacao et de pelure d'orange. Je vous donnerai pas la recette au complet parce qu'il y a plus d'étapes que les autres, mais allez voir sur assemblagerequis.com, c'est dans l'étape numéro 10 des hacks de café. D'autres recettes, là, je vais pas les dire au grand complet, là, mais c'est pour faire votre propre mocha avec un ingrédient secret. C'est une recette de latte au Nutella. Ah. Qui est comme un genre de mocha prochain niveau, là, si on veut. Et on n'a pas besoin d'équipement fancy du tout. Ensuite, pour avoir votre café fait froid, donc infusion à froid à la maison, c'est la nouvelle mode. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle mode, là. Avant, on faisait du café glacé en mettant du café chaud sur glace. Oui. Maintenant, on fait l'infusion du café à froid, ce qui est complètement différent. On parle de tremper les grains dans de l'eau froide à la place d'ajouter des cubes de glace à votre café, donc il y a pas de, ce ne sera pas dilué. Vous pouvez apprendre à faire votre propre café infusion à froid en vous économisant plein de voyages dans votre café local sur assemblagerequis.com, encore une fois. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est... Ah, tout le temps les vidéos qui jouent tout seul. Eh ben, j'attends que la page charge pour pouvoir faire pause. Hein? OK, merci. Donc, c'est selon Bar 9 Collective. C'est une petite vidéo, en fait. La recette n'est pas dans l'article. Donc, allez voir la vidéo. Désolé pour le manque de détails dans celui-là. Ensuite, on peut faire un latte à la vanille. Glacé toute la semaine avec un super lait de cachou à la vanille. OK. Wow. Donc, t'as pas besoin d'être vegan pour savourer ce lait de cachou à la vanille ultra crémeux que vous pouvez vous procurer, qui va sérieusement transformer, nous dit-on, votre café matinal. Vous faites votre café à la maison, vous le réfrigérez pendant la nuit et vous ajoutez ce lait de vanille avec un petit peu de glace et ça va vous donner, encore une fois, un latte à la vanille glacé. Ça a l'air délicieux. Ouh! Miam! Alors, on a presque terminé ce palmarès-là. Pour éviter ceux qui boivent pas de café, parce que ça leur donne des palpitations au cœur. Oui. Je connais bien des gens qui vont boire du café, chocolat chaud à la place du café parce que ça donne moins de palpitations. Nous autres, on sait qu'il n'y a pas assez de café dans la vie et pas assez de palpitations. En tant que tel, ça nous motive un petit peu à travailler. Oui. Donc, la façon la plus facile de se sentir moins pompé comme ça après avoir bu de la caféine, c'est de boire 2 verres d'eau pour chaque tasse de café que vous buvez. Ah, OK. 2 verres d'eau. C'est quand même simple à retenir. Ouais, quand même. Une tasse de café, 2 verres d'eau, une tasse de café, 2 verres d'eau. Tout ça, toute la journée, vous allez pisser comme ça. Pas de bon sens. C'est sûr. On a Vous allez passer votre journée à la salle de bain. Ça va être génial. En plus, vous allez payer pour. On dit d'installer votre... de paramétrer votre machine à café avant le lit, avant de se coucher pour avoir une tasse aussitôt que vous vous levez. S'il y a quelque chose de motivant dans la vie, c'est bien de se réveiller à l'odeur d'un café frais fait. C'est vrai. Je trouve. Il n'y a rien de mieux. Il y a mieux, et c'est, comme on dit, une façon tellement facile de terminer ce palmarès-là, parce que, je veux dire, c'est simple. La plupart des machines à café ont un mode timer, un mode réveil matin ou peu importe. Donc, c'est simple. Préparez votre café avec l'eau, avec les grains, ou peu importe, si vous avez à moudre votre café ou si les grains sont déjà moulus, de juste les foutre dans la machine à café. Essayez ça pour 6h30. Puis vous allez être prêt pour boire. Tu regardes la même chose que moi, hein? Ben voyons, non, c'est pas déconcentrant du tout. Déjà, il y a des gens qui amènent des barreaux de métal sur le toit juste à côté dans notre face, voyons. Il y a vraiment des grosses constructions, là, présentement. Vraiment, là, je l'ai dit, le 12 septembre. Je sais même pas si on a le droit d'être ici présentement. Est-ce que le pavillon est fermé, puis on l'a pas dit? Ben moi, j'ai pas croisé personne un matin, pour être franchement honnête. Et pour vrai, en tant que tel, les courses ont déjà commencé, donc en tant que tel, il devrait y avoir du monde. Oui, est-ce oui. Est-ce que la chasse est ouverte? Ben les gens de la GA devraient être là, puis j'ai vu personne ce matin. On semble faire des travaux sur le toit, là, donc on a vraiment aucune idée si ça peut nous tomber dessus. Ça l'arrête en plus. Mais écoutez, si jamais il y a de quoi, on fera les reportages en direct. C'était donc des hacks que vous pouvez faire à la maison pour votre propre café, n'est-ce pas magnifique? J'en ai laissé un autre article qui lui ressemble. Je passerai pas au travers parce que des trucs qui se ressemblent, mais c'est aussi c'est 10 autres boissons populaires à base de café que vous pouvez faire à la maison. Donc, je l'ai mis dans la même chronique dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Il y en a un autre avec de la mangue dedans. Ça m'intrigue vraiment. Là. Je pense que j'allais faire des recherches. Oui, ben exactement. Les liens sont là pour ça, pour les essayer à la maison, pour essayer quelque chose de nouveau à chaque matin de la semaine ou peut-être même pendant toute une semaine. Il y a quoi dans la session universitaire si on compte pas ces fous là-dedans? il doit y en avoir en tout une genre de 16 ans, non? Sûrement. Un café par fois, par semaine, ça pourrait être bien. Et ensuite, toujours dans la chronique Son foutu palmarès, qui n'a pas son fond ni son intro aujourd'hui, mais continuons avec un hybride avec C'est un fait. Tu sais, des fois, c'est un fait, les faits sont disparates. Oui. Comme on va le faire tantôt, ça va être complètement d'un sujet à l'autre. Et bien là, dans Son foutu palmarès, on parle de 15 faits de café à partager pendant que vous buvez votre café. Oh, j'adore ça. Vas-y, je vais avoir l'air intelligente quand j'allais à la chasse sans chercher un. Avec moi, tantôt, quand on va aller exactement, juste prendre un café. Si on a le droit d'être là. C'est si on a... Si, donc voilà, nous on a dit qu'on aimait notre café noir. Des fois, il y en a qui l'aiment avec leur crème, avec leur sucre, peu importe. Mais est-ce que vous connaissez vraiment votre breuvage qui fait partie de votre routine matinale? Il y a 15 faits de café selon mentalfloss.com. C'est les seuls 15 faits qu'il y a dans l'histoire du café. Il n'y en a pas d'autres. OK. Donc, les amoureux du café. Ouais. Bon, honnêtement... ça peut être... Est-ce qu'on entend bien dans le... C'est sûr qu'on entend tout. Le micro 5 est dirigé vers le toit. Domper les affaires qu'on entend. Ouais, s'il vous plaît, encore une fois. Domper les affaires. Là, on sort des gros blocs de bois. Oh, ça s'en vient dans les airs. On devrait entendre du stock. C'est long. Oh boy! Voilà, c'est fait. J'ai eu un petit peu peur. OK. Wow. On va se reprendre. On a du contenu à faire. Donc, les amoureux du café, Tania, peuvent remercier les chèvres dansantes. Ah! J'aimerais qu'on m'explique les chèvres là-dedans, s'il vous plaît. J'arrive. Comme on dit, comme l'expression dit, t'as fourtu ta chèvre. Oh boy! Pour dire, t'achèves-tu à dire ce que t'as à dire. C'est terrible, c'est la pire réplique au monde. C'est j'espère que tu diras plus jamais ça. J'ai jamais entendu personne d'autre qui l'a dit, c'est ma phrase. OK. Donc, selon la légende, c'était une personne qui s'occupait des chèvres en Éthiopie. Il s'appelait Kadi, qui a remarqué que lorsque ses chèvres mangeaient des petites baies rouges brillantes sur un arbre inhabituel, donc un arbre qu'il ne connaissait pas sur sa propriété, elles devenaient, ces chèvres-là, euphoriques et remplies d'énergie. Donc Kadi a fait ce que n'importe quel curieux aurait fait, a essayé les baies lui-même, bien sûr. Ben oui, évidemment. Et ça n'a pas pris trop de temps, il commence à danser avec ses chèvres, il s'est mérité le surnom du teneur de chèvres, ou comment t'appelles ça, un gars qui s'occupe des chèvres? Un berger. Ben, c'est pas des chèvres, ça, c'est des moutons. Des moutons, t'as raison. Mais bref, un berger de chèvres. Un berger de chèvres. Le plus heureux de l'Arabie. Le café, à l'origine, était mâché et non pas bu. Une tasse ouais. de café, ça pourrait être votre façon préférée de consommer du café. Il y en a qui vont manger des menthes au café, il y en a qui vont grignoter des graines de café, peu importe. Mais le café n'a pas toujours été donc liquide. Selon plusieurs historiens, les premières tribus africaines à consommer du café le faisaient en frottant des baies ensemble, en ajoutant du gras animalier et en faisant rouler ces délices caféinés dans de petites boules d'énergie. C'était pas avant l'an 1000 CE, avant que les grains soient changés en breuvage, qui était un vin spécial, un vin particulier. Oh, intéressant. Ouais. C'est pas tout le monde qui s'est converti au café très rapidement. On parle du 18e siècle, c'est quand même assez récent, les années 1700 et plus. Oh, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Donc, le gouvernement essayait d'éliminer le café parce que ça stimulait les buveurs et ça stimulait les pensées radicales. C'est ça l'affaire. Les gens réfléchissaient trop, doctrine. Étaient trop. Exactement. Donc, en 1746, la Suède a amené les choses à une autre extrême en bannissant le café et tout ce qui avait rapport avec le café. On parle des tasses et des soucoupes qui étaient bannies en Suède en 1746. La bière a essayé de prendre la place du café à la table du déjeuner. Je me souviens d'en avoir déjà parlé à l'émission, mais donc la bière a déjà voulu être une nourriture, une boisson de déjeuner. Trois décennies après la Suède et son truc anti-céramique, donc les gens... est-ce que c'était... Je vais juste chercher le mot, parce que je suis pas sûr. Prussian, c'est quoi en français? Je me rappelle de l'avoir déjà cherché. C'était... attention. En Prusse. OK. Les Prussiens, qu'on appelle. Hey boy. Oui, donc, c'est en Prusse. C'est un territoire d'Europe orientale en partie germanisé sous le contrôle des chevaliers teutoniques. Ah, t'as les informations par cœur, ça n'a pas l'air. Oui. Donc, les officiers de Prusse pensaient que la consommation de café faisait interférence avec les habitudes de boire de la bière pour les soyez. Donc, en 1777, Frédéric le Grand de Prussie, on dirait, j'ai envie de dire Prussie, mais c'est pas ça pour a donc dit, a encouragé les gens de Prusse à boire de la bière et non du café avec leur déjeuner. Le café instantané a presque 250 ans, Tania. Ah! Ouais. Donc, on dit que le café instantané a fait sa première apparition en Angleterre en 1771. Le processus a évolué pendant les années, jusqu'à ce que le premier café instantané produit en masse soit introduit et breveté aux États-Unis en 1910. Ça a continué à évoluer dans les années 1960 lorsque le café congelé, freeze-dried coffee, qui est toujours populaire de nos jours, soit introduit donc, dans les années 60. Les Américains ne boivent pas tant de café que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai. Ouais. Donc, on pourrait penser qu'un café, un Starbucks, peu importe, à chaque coin de rue, dans chaque ville majeure des États-Unis, et souvent, il y en a un autre de l'autre côté de la rue, comme on dit dans l'article. Mais les Américains sont en 25e place par rapport au café qu'ils consomment dans le monde. Ah, oh, ouais. La Finlande, savais-tu que c'est le pays qui est le roi du café? Non, je savais pas ça. C'est le pays le plus caféiné au monde, la Finlande. Le pays ne produit pas de grains de café lui-même. Les buveurs finlandais sont capables de consommer quand même trois fois plus de café que les Américains à chaque année. La Norvège, l'Islande, le Danemark et les Pays-Bas continuent le top 5 dans cet ordre-là. Donc, ça fait Finlande, Norvège, Islande, Danemark et les Pays-Bas. Ah, ouais. Intéressant. Toujours dans le palmarès des faits de café dans son foutu palmarès. Tout le monde vraiment cool boit du café, nous dit-on. Celui qui a le record pour le titre du Oldest Cat Ever, donc le chat le plus cool au monde, le plus vieux, pardon, au monde. Il est cool, mais il est le plus vieux. Donc, un chat qui s'appelle Crème Puff. Qui a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, quand même, c'est appréciable. Elle buvait du café chaque matin de sa vie, plus du bacon, j'imagine que ça, elle les mangeait, du bacon, des œufs et du brocoli. Avant de dire que c'était une coïncidence complète, il faut considérer que le chat que Cream Puff a battu pour le record, c'était un chat qui s'appelait Grandpa Rex Allen, qui avait 34 ans, avait le même propriétaire et avait la même diète. Donc le propriétaire a nourri ses deux chats avec du café, du bacon, des œufs et du brocoli. Et les deux chats ont vécu jusqu'à 34 et 38 ans. Hey boy! C'est vraiment fantastique. Ça, c'est... tu dois profiter de ton chat à ce moment-là. Oui. Le café pourrait très bien faire fonctionner ta voiture un jour. Hein? Plus de 100 millions d'Américains se fient sur leur café pour vraiment fonctionner faire fonctionner leur corps à chaque matin. Mais à un certain point dans le futur, ça pourrait aussi être ce qui va faire fonctionner votre voiture. Les chercheurs ont eu beaucoup de succès en convertissant le café en biodiesel. Surtout, on dit que le café moulu fonctionne aussi bien que le café non moulu. Oh, ouais. Hein? Ça, c'est intéressant, par exemple. Mais imagine comment ça va coûter cher. Si le gaz coûte... Je sais pas, il faudrait compter, j'ai aucune référence, mais est-ce que le café coûte plus cher ou moins cher que le gaz en ce moment? Pour la même quantité, je me le demande. Chez Starbucks, mettons, le café coûte cher du millilitre pas mal. Ouais, mais c'est du Starbucks. Mais c'est du Starbucks, en effet. Tellement bon. Et voilà. Est-ce que vous voulez des informations sur ce qui se passe au-dessus de nous présentement? Ben, Colin, que j'aimerais ça, Tanya. Ça se peut très bien qu'on n'ait pas la possibilité de rester dans le bâtiment, de Mathieu. De finir l'émission? Parce qu'on est en train de découper le toit. Ouais. Mais là, on parle du nouveau pavillon. Non, c'est l'ancien corridor du 10-12. Oui, exactement. Donc, c'est pas les nouveaux locaux. On refait le toit, on fait quoi? Bien, présentement, on semble vraiment faire des trous dans le toit. Puis par la suite, il y a comme 12 gars qui sont en train d'arracher la toiture. Ah, ben c'est intéressant ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va continuer. Oui, moi aussi. De toute façon, on n'est pas ici aujourd'hui. Si jamais il y a de quoi, on va voir de la poussière tomber. Ben, tu sais, hein? Nos équipements sont là pour ça. Sont capables d'en prendre, hein? Ils prennent des bocs de bière à toutes les semaines. Ah non, c'est vrai, on a retiré cette émission-là. numéro 10 de la liste des faits de café à partager pendant votre café matinal. On pense maintenant à la pause café qui a une ville de naissance. Non. C'est né en quelque part. C'est né à Staunton, dans le Wisconsin, qui dit être l'endroit où la pause café a débuté. Chaque année, la ville fait son festival de la pause café, donc le Coffee Break Festival, pour célébrer les contributions majeures à la journée des travailleurs partout dans le monde, même nos amis sur le toit. Ben oui. Vont avoir une pause café, j'imagine, plus tard. On espère pour eux. Oui, ouais, en effet. Selon la légende locale, les immigrants norvégiens qui aimaient le café donc à Stratton dans le Wisconsin ont créé cette pause-là à la fin du 19e siècle. Encore les Norvégiens, tu vois, c'est eux qui buvaient aussi beaucoup plus de café tout à l'heure. Et tu l'as dit, Bouffi. Ensuite, oui, je sais, faut pas que je t'appelle Bouffi. Ouais, c'est ça. Mais c'est faux. Ensuite, numéro 11. Beethoven était le pire cauchemar d'une barista. Beethoven aimait bien sa tasse de Java, sa tasse de café, mais il était très, très particulier par rapport à sa préparation. Ça me surprend pas. Ouais, il insistait que chaque tasse de café soit faite avec exactement 60 grains de café. Ah bon? Ouais, la différence est claire entre 60 et 59 grains de café quand même. Mais Balzac était pas si pire lui aussi, hein, l'écrivain français Honoré de Balzac. Mm-hmm. N'avait pas le temps, lui, d'être sélectif. On dit qu'il buvait plus de 50 tasses de café par jour. OK, lui, il nous bat. Vraiment. Mais en même temps, mon père fait intéressant. Mon père, c'est pas intéressant, dilue son café énormément et il en boit peut-être 20-25 par jour, mais il le dilue jusqu'à ce que ça goûte presque rien. Peut-être que Balzac faisait la même chose. Peut-être. On sait pas, ça le dit pas. Comment savoir? Ensuite, le café a été... très à la mode pendant une certaine période de temps. Pendant la guerre civile, les blocades du Sud gardaient la Confédération dans un état de sous-caféination. Dans un état sous-caféiné. Donc, les troupes de la Confédération essayaient de créer des substituts en utilisant de... Oh, est-ce que tu as déjà goûté à du caflib? Non. C'est une alternative au café à base de chicorée. Ça goûte le chicorée. Ah, oh, ça doit pas être bon. C'est dégueulasse. Alors, on a aussi utilisé du pissenlit. Ah, Wow! Rien de moins. Mais évidemment, les gens ne se sont pas fait avoir par ça. Le café, éventuellement, est devenu si apprécié que les bijoutiers du Sud utilisaient des grains individuels comme pierre dans leur création de bijoux. Mon Dieu! Un objet de mode, le grain de café. Mocha. Est-ce que t'aimes le mot mocha? Ouais, quand même, papa. Mokalaka, mokalaka, voulez-vous coucher avec moi? Ah, c'est ça que ça dit? Non, le Mocha, c'est plus que juste un mot le fun à dire, c'est aussi une ville dans la mer Rouge au Yémen. Jusqu'au 17e siècle, presque tous les cafés du monde, non, tout le café du monde, voilà, était produit au Moyen-Orient. Et grâce à son endroit idéal pour le shipping, pour les envois, le Mocha était. La ville de Mocha était l'endroit préféré pour acheter du café. Ah. Voilà. L'expansion de la cultivation du café, de la culture du café dans des colonies européennes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, pardon, et de l'Asie, éventuellement a diminué la puissance commerciale de la ville de Mocha. Les grains exportés de la ville de Mocha étaient si populaires en Europe que Mocha est devenu un raccourci pour un café fancy. Ah, voilà. À Mocha. À Mocha. Voilà. Finalement, est-ce que je fais le 15e, qui a l'air un petit peu plus long et plus compliqué, mais on parle de Kopi Luwak, qui est le café le plus cher au monde, qui a mérité cette distinction-là grâce aux étapes de sa production, la digestion. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce café prédigéré? Ça me dit quoi, le Kopi Luwak? On a tous entendu parler au moins un petit peu par bribes de ça, mais c'est en Indonésie, c'est un animal sauvage qui s'appelle le Asian Palm Civet, qui est un petit animal similaire à un écureuil. Il ne pouvait pas résister à ces mêmes baies qu'on a mentionnées en début de chronique, donc les petites baies rouges de café, même s'il ne pouvait pas digérer complètement, il ne pouvait juste pas digérer les grains de café. Les grains, donc, passaient à travers le système sans être complètement digérés. Éventuellement, quelques fermiers braves, fermiers de café, ont ramassé ces grains-là dans les crottes du civet asiatique et les lavaient. Et puis, ils ont essayé de se faire une tasse de café. Évidemment, il s'est dit, ça s'est pas digéré. Fait, je vais me faire un café avec, mais on va pas faire de gaspillage quand même. Ben oui. Surprenamment, l'interaction que ça faisait avec les jus digestifs du civet faisait quelque chose de magique à ces grains-là. Ce qui donnait donc une tasse de café qui était intensément savoureuse et qui manquait, donc qui n'avait aucune trace de côté, c'est quoi, âcre ou amer du café. Ouais. La différence entre âcre et amer, je la connais pas vraiment. Mais bon. Je sais pas vraiment. Bref, le processus n'est peut-être pas super appétissant, mais en même temps, il y a plein d'affaires qui sortent de différents endroits, les animaux, puis on les mange et on les boit quand même. Hein? Le lait passe par un pic. Hein? Mais donc, la chose qui va être difficile à avaler, probablement, comme dit l'article de mentalforce.com, c'est qu'un seul livre de Kopi Luwak peut vous coûter plus de 600$. Mathieu, j'ai la différence. Oui. Donc, si on dit que c'est amer, on peut dire que c'est âpre. Âpre? Oui, exactement. Donc, quand on dit que c'est âcre, c'est selon l'odorat. Oh! Et quand on dit que c'est amer, c'est selon le goût. Interesting. Ouais. Very interesting. Merci, Tania. Donc, un vin peut être âpre, un café peut être âpre, mais à l'odeur, ça va être âcre. Eh bien, tu m'en apprends des choses. J'espère que tu en apprends à notre merveilleuse auditoire aussi. Moi aussi. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. C'est une belle petite chronique de café aujourd'hui. On s'est fait deux longs articles qui sont sur la page de l'émission d'aujourd'hui. On parle du lundi 12 septembre. C'est sur assemblagerequis.com. Voilà, 600$ pour une livre de café. Mm-hmm. Alors, on prend une pause. Au retour, ce sera... on va faire ta chronique, puis on fera tout de suite un fait après. Ça te dérange? Oui, non, il n'y a pas de problème. Ta chronique au retour à Assemblage Requis. Restez là. C'est le 89.9. C'est fou. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi 12 septembre 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Dans quelques instants, ce sera la chronique Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, on a envie d'entendre une petite pièce musicale. Donc, allons-y du côté francophone avec un extrait de Navet Confit, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et si je m'en vais du côté du palmarès, on parlerait de vers la mort ou vers le ciel, oui. C'est bien ça? Vers le toit de... Oui, de l'univers. Du pavillon Néré-Beauchemin, semble Afriqui. Love. navet confie avec les vers la mer ou vers le ciel. Et voilà. Panier, piano. Ah, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Papier, panier, piano, panier. On va l'avoir. On va faire l'exercice chaque matin pour la bouche, mais à la place, on préfère pas le faire. Boire du café, tout simplement. Boire du café, exactement, comme on l'a fait pendant toute la chronique tout à l'heure. Oui. Donc, allons-y avec ta chronique à toi maintenant que t'es rendu en forme. C'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do the ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. C'est la seule chronique survivante de mes chansons thèmes. Ben ouais, je vois bien ça. J'ai pris sur YouTube. Donc aujourd'hui, Tania, on parle de mémoire. Oui, exactement, parce qu'en fait, pour être franchement honnête, je me souvenais pas si j'en avais déjà parlé. Ouais, je t'ai dit, fais semblant que non, et puis tu diras à la fin, c'est une joke, je m'en souvenais plus. Voilà. Mais non, mais je me souviens que j'ai déjà parlé du cerveau et tout ce que ça comprenait et toute sa fonctionnalité. T'as peut-être abordé la mémoire un peu là-dedans. Exactement, mais hier, je suis tombée sur la nouvelle émission, une des nouvelles émissions qui passe à la télévision, qui s'appelle Sans Limite, qui est basé sur le film du même nom avec Bradley Cooper. Et qui a duré seulement une seule saison, mais que TVA a acheté parce que c'était pas cher. Oui, exactement. Mais c'est quand même très intéressant à regarder. Sûrement. Pardon. Et hier, c'était la première diffusion de la série en français. Alors, ça m'a amené vraiment à réfléchir beaucoup sur la mémoire et l'apprentissage. Et bien évidemment, on le sait, la mémoire permet quand même de stocker toutes les informations, les sensations perçues par l'organisme, par l'être humain, et provisoirement aussi, soit à long terme, pour conserver des souvenirs, des connaissances, puis tout ça. Donc, il y a plusieurs régions du cerveau qui interviennent dans un processus comme ça grâce aux transmissions qui sont les neurones, donc entre elles, toute la transmission va se faire, et c'est comme ça qu'on va se souvenir de bien des affaires. Ouais. Mais il arrive parfois qu'on oublie. On oublie quand même beaucoup de choses. On oublie et parfois, c'est difficile de faire fonctionner notre mémoire. Alors, je me suis posé la question, c'est quoi la fameuse différence entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme? Mm-hmm. Parce qu'on sait qu'on a quand même plusieurs sortes de mémoire. Et ça m'a amené justement à me poser cette fameuse question-là. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que la mémoire à court terme? Donc, les occasions manquent pas, bien évidemment, au cours d'une journée où on doit retenir quelque chose. Et pour souvent, on va devoir retenir cette chose-là pendant quand même quelques instants durant la journée. Et que ce soit une je sais pas moi, un calcul ou un argument dans une discussion ou vraiment, je sais pas. Ce qui m'est arrivé le matin pour pouvoir le dire dans l'intro de l'émission. Exactement, ouais. Exactement. Eh bien, à chaque fois, on va mettre à contribution notre mémoire qui s'appelle à court terme. Donc, de plus en plus, un élément qui est retenu un court instant, ça va servir la plupart du temps à accomplir quelque chose qu'on a soit planifié ou qu'on a soit calculé ou pour convaincre quelqu'un, par exemple. J'ai vraiment de la difficulté, je suis désolée. Elle a son fond de bouteille d'eau. Oui, voilà. Donc, pousser à l'extrême... Tu as par l'instant? Non, c'est bon. Donc, vraiment, si on pousse à l'extrême cette fameuse mémoire à court terme-là, c'est ce qui va permettre aux champions d'échecs, par exemple, d'explorer plusieurs solutions possibles avant de choisir celle qui va mener au fameux échec épingle. Ouais. Voilà. Donc, cette capacité de retenir temporairement une information en vue de mener à bien une tâche est spécifiquement humaine. Elle rend très active certaines régions de notre cerveau, en particulier le lobe préfrontal. Pour ceux qui le savent, là, c'est vraiment ce qu'il y a en avant de notre avant, tête. Ouais, là, voilà. C'est logique quand même. Donc, oui, vraiment. C'est une région qui est située tout en avant du cerveau, comme je le disais, puis qui est très, très développée chez l'être humain. C'est elle qui va, entre autres, nous donner notre grand front. Ou plutôt que le front de nos coussins primates. Donc ça, c'est un autre endroit dans le cerveau. Et c'est donc pas étonnant que la région du cerveau qui semble la plus active dans une des activités les plus humaines soit située justement dans cette région-là qui est préfrontale, qui est quand même très bien développée chez les êtres humains et chez nos ancêtres. Mais la mémoire humaine est quand même assez complexe et il y a d'autres régions du cerveau qui sont évidemment impliquées, ça on le sait très bien, dont entre autres plusieurs places dans le cerveau qui font partie aussi de cette fameuse mémoire-là, mais qui sont pas nécessairement en avant. Donc, quand on parle de mémoire à court terme, c'est vraiment le devant de notre tête qui va être amené à travailler très, très fort. Quelle est la grande différence avec la mémoire à long terme? Eh bien, qu'est-ce que la mémoire à long terme, en fait? C'est le passage de la mémoire à court terme, ou ce qu'on appelle un petit peu la mémoire de travail, ce qui va nous servir à faire Bien évidemment, pas mal de choses dans une journée, que ce soit allumer une lumière, boire un café ou quoi que ce soit. C'est vraiment cette fameuse mémoire à court terme-là que bien souvent on va appeler la mémoire de travail. C'est ce qui va nous servir à tous les jours sur bien des choses que l'on fait tout le temps. Donc, c'est vraiment le passage de cette fameuse mémoire-là à la mémoire à long terme qui s'effectue grâce à l'hippocampe. Oui, parce que l'hippocampe. Exactement. Donc, on a une forme incurvée qui rappelle la queue d'un hippocampe marin à l'intérieur du cerveau. Et c'est l'hippocampe qui est une partie très ancienne du cortex située dans le repli interne du lobe temporal. Je vais pas nécessairement vous situer où que c'est parce que... C'est visuel un peu, c'est pense, ça, exactement. Ouais. Mais je mettrai bien évidemment des photos sur la page Facebook d'Assemblage Requis et vous pourrez voir à ce moment-là. C'est aussi compliqué que l'hippocampus de l'UQTR. Oui, exactement. Mais ouais. Tu vois, j'aurais aimé peut-être même faire cette chronique-là avec Justine à mes côtés pour qu'elle puisse parfois expliquer ce que je dis, mais bon. Justine Renaud qui va revenir en passant. Oui, ne vous inquiétez pas. Ça sent pendant ce moment-là, moi, j'essaie de faire aussi intelligent qu'elle. Voilà. Donc, toutes les informations qui sont décodées dans les différentes aires du cerveau et les différentes aires sensorielles du cortex vont vraiment venir se transformer vers l'hippocampe qui va ensuite les retourner d'où elles viennent. Donc, c'est comme un retour, c'est un passage qui se fait, c'est un va-et-vient de l'information pour en faire quelque chose. Donc, c'est un peu comme un centre de tri qui comparerait, par exemple, des sensations nouvelles avec celles qui ont déjà été enregistrées. Donc, l'hippocampe crée aussi des liens entre les différentes caractéristiques d'une chose. La réception ou les différents trucs qui nous permettent de retenir des faits nouveaux correspondent donc à de multiples passages dans l'hippocampe. Donc, c'est exemple, l'information va se promener plus souvent parce que c'est nouveau. Et par la suite, celle-ci va vraiment venir renforcer les liens entre ces nouveaux éléments-là, si bien qu'au début d'un certain temps, le travail sera plus nécessaire. Le cortex va vraiment avoir appris à lier lui-même ces différentes caractéristiques-là pour en faire ce qu'on appelle un souvenir. Donc, la mémoire à court terme, c'est un petit peu... comment je pourrais expliquer de façon très brève, mais c'est quand même un petit peu le format de tout ça, je voudrais dire. Donc, par rapport à la mémoire à long terme, c'est quelque chose qui, exemple, un souvenir que tu te souviens où tu habitais quand tu étais petit. Oui. Que je sais pas, moi, parfois, ça va y aller avec la du côté sensoriel aussi. Par exemple, quand ta mère cuisinait une tarte aux pommes. Oui, l'odeur. Exactement, ouais. Ça va être quelque chose qui va devenir un souvenir. Quand on parle de mémoire à court terme, c'est quelque chose qui va faire fonctionner un être humain, qui va aider à faire fonctionner un être humain. Donc, par exemple, faire une recherche sur Internet va probablement venir travailler beaucoup plus la mémoire à court terme que la mémoire à long terme, parce que la mémoire à long terme, ça joue beaucoup dans les souvenirs puis dans tout ce qu'on se souvient. La mémoire à long terme, ça pourrait être, t'arrives à la fin de l'article et une phrase te dit « Hey, Colin, c'est vrai, j'ai déjà lu cet article-là en nombre, mettons. » Exactement, ça pourrait être ça. Ce qui n'est pas le cas, là. Non, ce qui n'est pas encore le cas, t'as bien raison. Mais c'est vraiment le fun de voir la différence de tout ce qui est la mémoire et l'apprentissage aussi, parce qu'on le sait, parce que là, on revient quand même à l'émission qui m'a amené à faire cette fameuse chronique-là, mais dans l'émission ou dans le film, pour ceux qui ne l'ont jamais vu... Sans limite, limitless. Exactement, en anglais, c'est limitless. On prend une pilule pour venir prendre la capacité complète de notre cerveau. Donc, tout ce qu'on a déjà appris nous revient sans même qu'on l'ait déjà oublié. Et là, j'essaie de... Parce que parfois, on peut apprendre quelque chose, mais l'oublier. Oui. Donc là, si on prend cette fameuse pilule-là dans le film ou dans l'émission, on va se rappeler de tout ce qu'on a déjà vu. Ouais. Et ça, c'est de la mémorisation. Bien évidemment, mémorisation, mais on parle aussi d'apprentissage. Et là, à ce moment-là, on a une différence. Parce que l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui va nous amener à avoir de la mémoire pour ça. Et c'est ce qui est différent. J'essaie de retrouver un article que j'avais trouvé hier qui expliquait exactement... Voilà, je l'ai. Donc, la mémoire et l'apprentissage, c'est vraiment très, très lié, quand même assez parallèlement. Et c'est ce qu'on confond souvent les deux. Et c'est parfois ce qui est un petit peu plus compliqué à comprendre. Mais pour ceux qui les étudient, ces deux notions-là renvoient quand même à des phénomènes très, très différents. Donc, l'apprentissage, tout à l'heure, je le disais, c'est quelque chose qui désigne un processus qui va modifier un comportement. Et la mémoire, bien, elle, c'est notre capacité vraiment à se rappeler de ces expériences passées-là et de cette fameuse apprentissage-là. Donc, si on apprend une nouvelle langue, par exemple, en l'étudiant, mais qu'on la parle ensuite grâce à la mémoire qui, elle, a puisé dans ce qu'on a déjà appris. Donc, lorsqu'on est en train d'apprendre quelque chose, on se souvient pas nécessairement de tout ce qu'on a déjà fait. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où que la mémoire doit devenir un outil de pratique. Et la mémoire est donc vraiment essentielle à tout apprentissage parce que ça va permettre le stockage et le rappel de ces fameuses informations-là qu'on a apprises. La mémoire, au fond, c'est rien vraiment d'autre que la trace de ce qui reste d'un apprentissage. Donc, si on a vraiment mal appris quelque chose, eh bien, on va mal s'en souvenir. Ou on va s'en souvenir, mais pas de la bonne façon. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'à la base, l'apprentissage soit bien fait pour qu'on s'en souvienne de façon correcte et que la mémoire, elle aussi, fasse son travail comme il se doit. Donc, de plus, non seulement la mémoire va dépendre de l'apprentissage, mais l'apprentissage va aussi dépendre de la mémoire. Parce que les connaissances mémorisées constituent quand même une trame sur laquelle vont venir se greffer les nouvelles connaissances. Donc, si à la base, j'aimerais ça le montrer comme exemple, une autoroute, si notre voie principale est mal faite, eh bien, ce qui va venir se joindre va automatiquement mal terminer. Si le toit, mettons, de l'UQTR s'effondre parce qu'il est mal construit par les gars de la construction dehors en ce moment... Ben, on va peut-être mourir. C'est ça. Donc, plus notre bagage de connaissances est grand, plus il est varié, plus on va pouvoir venir greffer des nouvelles informations quand même assez facilement. Là, tout à l'heure, je vous parlais de mémoire sensorielle, tout ce qui est souvenir, tout ce qui est... On parle souvent de mémoire sensorielle quand on parle d'odeur, quand on parle de ces fameuses affaires-là. Ce qui est âcre. Exactement. Donc, la mémoire sensorielle, en fait, c'est ce qui conserve finalement, mais très brièvement, l'information apportée par les sens. Donc, le toucher, le goût, puis tout ça, c'est une durée qui est très, très courte, qu'on parle aussi d'une centaine de millisecondes à une ou deux secondes. Et c'est souvent ce qui est considéré comme faisant partie du processus de perception, donc percevoir quelque chose. Et ça constitue pas moins d'un passage obligé par le stockage dans la mémoire à court terme. Donc, je vous parlais tout à l'heure que le mémoire à long terme, c'est un souvenir, mais la mémoire sensorielle a quand même passé par la mémoire à court terme avant tout ça. Donc, c'est vraiment... 1 + 1 + 1, ça va donner 3. C'est vraiment ce qui est important à se souvenir de la mémoire, c'est que ça va comporter plusieurs boîtes de mémoire. J'ai vraiment le goût de l'identifier comme ça. Donc, ça va passer par la mémoire sensorielle, par la mémoire à court terme et par la suite, la mémoire à long terme. Et ces trois boîtes-là vont venir faire une grande mémoire. Ça, c'est un engrenage, on dirait, qui vont rouler ensemble. Tout à fait. Et tout à l'heure, je le disais, le film nous amène à avoir toutes ces capacités-là à leur puissance maximale. Donc, c'est-à-dire que même si on a vu un affichage sur le coin d'une autoroute et il y avait une information X dessus, eh bien, on va s'en souvenir avec cette fameuse pilule-là dans le film ou dans l'émission. Et cette pilule-là s'appelle le NZT. Hier, je me suis posé la question... Pourquoi? Pas nécessairement non. Pourquoi, mais... T'sais, on le sait, c'est un film hollywoodien quand même. C'est poussé à sa puissance maximale, mais... Est-ce que le NZT et la drogue qui est utilisée dans l'émission pourraient exister? Ouais. Et la réponse est oui et non. Revirement de situation instantané. Oui, le NZT, c'est un médicament qui existe pour vrai. C'est une drogue qui est utilisée pour se souvenir de certains trucs. Donc, à ce moment-là, oui, c'est vrai. Par contre, on serait pas nécessairement capable de tout faire ce qu'eux font dans le film ou dans l'émission. Ils l'ont peut-être un petit peu romancé. Mettons, exactement. C'est quelque chose qui est très, très, très, très, très romancé. Mais c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Les gens prennent ça pour vrai, à l'école, pour les examens, mettons. Non? Mettons, okay. Je m'explique. Ce qu'on appelle en anglais « the smart drugs » ou en français « les drogues intelligentes », c'est quelque chose qui fait de plus en plus surface. C'est comme le retour des « smart drinks », c'est la petite enveloppe jaune que se mettait oui, la petite poudre. Oui, exactement. Bien, il faut comprendre que bien souvent, ça va être utilisé en milieu universitaire, ça va être utilisé en milieu scolaire. Ouais. Et bien souvent, ça va être fait de façon, je ne veux pas dire illégale, mais de façon pas nécessairement avec une prescription ça. À votre nom. Mettons. Donc, j'explique comment ça se fonctionne. Comment aller s'en chercher, ça que tu veux? Non, j'explique pas comment aller s'en chercher, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que les drogues intelligentes, parce que ce sont des médicaments avant tout. Donc, certains vont prendre, par exemple, du Ritalin, d'autres vont prendre du NZT, d'autres vont prendre de la nootropique, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Donc, le Ritalin, ça fait quand même partie d'une famille de médicaments qui est appelée nootrope. fait partie de la famille des nootropiques de tout à l'heure. Et c'est mieux connu sous le nom de drogue de l'intelligence ou smart drugs en anglais. C'est quelque chose qui a fait fureur en Australie il y a quand même quelques années de ça. On commence à voir les rebondissements de ça ici au Québec. Je vais pas nommer de nom ou quoi que ce soit, mais oui, ça court dans les endroits universitaires, que vous soyez à Montréal, à Québec ou à Trois-Rivières. Voilà. Donc, on les emploie vraiment pour soigner des troubles ou des maladies. Par exemple, comme trouble, ben, le déficit d'attention, exactement. Mais comme maladie, on parle aussi de dépression, la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Alzheimer, parce que c'est quelque chose qui est de mémoire. Donc, ces médicaments-là vont agir sur les neuromédiateurs. Par exemple, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. C'est ce qui assure, par exemple, la transmission et la régulation des influx nerveux à l'intérieur du cerveau. Ça, c'est dangereux parce que tu joues avec ton cerveau, là. Et c'est ce qui contrôle donc des phénomènes comme la mémoire, l'humeur et la concentration. Ouf. L'utilisation des nootropes, là, ça vise à combler le déficit de l'un ou l'autre de ces neuromédiateurs-là. Mais une personne dépressive, par exemple, peut souffrir d'une carence en sérotonine. Donc, le néotrope approprié va venir corriger ce déficit-là. Trois conditions médicales justifient l'usage du Ritalin chez un individu. Le déficit d'attention avec hyperactivité, par exemple, chez l'enfant, ce qu'on commence à connaître de plus en plus au cours des années. La narcolepsie chez l'adulte, donc c'est une somnolence qui est extrême, exactement, et qui est vraiment soudaine, ce qui peut devenir très dangereux, par exemple, si vous conduisez, Et la dépression qui, à un certain âge, peut être traitée efficacement par un médicament comme le Ritalin. Ce qui, encore une fois, entre parenthèses, vous prenez déjà un antidépresseur qui agit déjà sur la sérotonine, peut-être pas le mélanger avec... Consulter un médecin, voilà. Peut-être même mortel, je dirais. Oui. Donc, de façon générale, le Ritalin est vraiment reconnu pour des effets sur l'augmentation de la concentration intellectuelle et de la mémoire, déjà à la base. Mm-hmm. Donc, le Ritalin, pourquoi est-ce que certains en prennent pour être plus performants? Mais afin d'augmenter la performance intellectuelle, comme certains étudiants présentant aucune condition médicale consomment du Ritalin, entre autres, bien plusieurs adultes et de tous âges y auraient aussi recours pour être plus efficaces au travail et favoriser l'avancement de leur carrière. Le Ritalin produit le même effet chez ces personnes-là que chez elles qui en ont réellement besoin. Par contre, lorsqu'on n'en a pas réellement besoin, eh bien, on ne va pas venir se mettre au même niveau que n'importe qui. On va juste être poussé encore plus loin. Ouais. Exactement. C'est comme si on avait pris, par exemple, 12 Red Bull et qu'on est vraiment très, très, très, très, très, très productif. Donc, à ce moment-là, il faut savoir que la très grande majorité des tests cliniques qui ont été effectués auprès des personnes sont des personnes qui avaient besoin de ces médicaments-là. Les tests n'ont pas nécessairement été faits sur des gens, par exemple, qui ont déjà une bonne facilité avec la mémoire, une bonne facilité avec l'apprentissage. C'est vraiment... Les tests ont été faits avec des personnes qui avaient besoin de ces médicaments-là. Donc, on ne sait pas nécessairement encore où les gens qui n'en ont pas besoin se situent. Est-ce que de prendre ces fameux médicaments-là, c'est si grave que ça? On peut pas le dire parce que les tests n'ont pas été faits sur ces personnes-là. Ouais. Donc, très peu d'études ont observé les effets de ces médicaments-là sur des personnes qui sont en bonne santé, des personnes qui ont aucun besoin de ça, et aucune ne s'est penchée sur les effets à long terme de cette consommation-là pour les gens qui sont déjà en bonne santé. C'est pas des produits naturels, mettons. Non, exactement. Donc, il n'y a aucune donnée qui sont, comment pourrais-je dire, importante, qui indique que la prise de drogue intelligente par des personnes qui souffrent d'aucune carence puisse augmenter leur capacité intellectuelle. La consommation de ces médicaments-là peut aussi entraîner des effets secondaires importants et potentiellement dangereux, parce qu'on est tellement focussé qu'on en oublie certaines choses. Okay. Par exemple, hier, je regardais un documentaire qui prenait place justement en Australie et qui expliquait qu'une des filles dans le public expliquait que elle doit parfois se mettre des alarmes pour se rappeler de manger ou de boire. Ah, wow. Parce que t'es tellement focussé à faire une tâche et à faire plusieurs tâches en même temps, parce que le multitasking rentre en ligne de compte quand tu prends ça et que t'es en bonne santé, que tu peux en oublier justement de bien t'hydrater ou de bien manger. Donc à ce moment-là, ça va peut-être venir justement te faire souffrir de déshydratation à un certain point si tu oublies tout simplement de prendre quelque chose à boire. Donc, il y a des effets quand même secondaires qui sont peut-être dévastateurs. Donc, la prise d'un nootrope chez une personne en bonne santé augmente la production normale, oui, des neuromédiateurs. Donc, vous allez avoir quand même un dérèglement de ce système-là à un certain point parce que vous allez pousser votre cerveau à le faire. À force d'être stimulé de façon artificielle, parce qu'on s'entend, vous n'allez pas venir pratiquer votre cerveau. Vous allez prendre une pilule qui, elle, va vous amener cette fameuse connaissance-là ou cette fameuse mémoire-là. Donc, les récepteurs peuvent devenir, en quelque sorte, un peu paresseux. Et ça crée une dépendance, probablement. Exactement, ouais. Et devenir moins productif. Ouais. Donc, à ce moment-là, ce phénomène est appelé un petit peu un « down regulation » en anglais, ce qu'on appelle une régulation à la baisse, en français. Et ces médicaments-là peuvent également entraîner une dépendance physique ou psychologique et causer des dommages importants au foie et aux reins. Quand tu les arrêtes, c'est difficile aussi d'arrêter. Mais c'est parce que tu maximises ton cerveau, mais le reste de ton corps va pas nécessairement à la même vitesse. C'est un petit peu comme exemple, vieillir vraiment beaucoup trop rapidement dans son cerveau versus le reste de son corps ou vice-versa. Donc, vous allez avoir... Parce que c'est pas parce que votre cerveau va fonctionner à pleine capacité que votre cœur va fonctionner à pleine capacité, que votre foie va fonctionner à pleine capacité ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, la prise de médicaments, ça contient quand même de la sérotonine en particulier et ça peut mener au syndrome sérotoninergique. Et voilà. Donc, c'est... Sirop de Fontaine. Oui, c'est ça, non. C'est un ensemble d'effets secondaires sur plusieurs fonctions organiques. Donc, exemple, une augmentation de la tension artérielle, de la tachycardie, des hallucinations, de la perte de fonction cognitive, des tremblements et tout ça. Donc, mais vous allez avoir des bonnes notes. Oui, c'est ça. Donc, en l'absence de toute supervision médicale, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui vont déterminer leur propre posologie et qui vont leur durée du traitement. Quelle mauvaise idée. Eh boy, hein? C'est pas super. Bon, présentement, on voit ça dans les établissements universitaires, dans les établissements collégiens. Les gens se croient invincibles, comme le gars dans Limitless. Ben oui, et on voit ça au même point qu'on voit le dopage dans le monde du sport présentement. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun test qui a été fait sur des gens qui sont en bonne santé. Est-ce que c'est la posologie qui n'est juste pas la bonne? Est-ce que si on prenait ça sous bonne posologie, si on prenait ça comme un produit naturel, est-ce que ça serait différent? Eh bien là, on doit se poser d'autres questions. Et c'est ça qui était intéressant dans le documentaire que je regardais hier. C'est qu'il y avait des spécialistes qui étaient là et qui disaient « Depuis le début des temps, les médecins et les docteurs vont faire sur eux des propres expériences qui vont nous amener à des découvertes. » Bien évidemment, malheureusement, ce qui se passe présentement, c'est que ce sont les gens qui font cette fameuse découverte-là et cette fameuse expérience-là sans être des docteurs ou sans être des médecins. Donc, on ne peut pas nécessairement faire cette découverte-là et régulariser la chose nous-mêmes parce que les gens qui le font présentement ne sont pas médecins ou ne sont pas docteurs. Mais si on avait, je ne sais pas moi, si la personne qui avait découvert ça était à la base quelqu'un qui pouvait régler la posologie pour chaque personne différemment, eh bien, on en serait peut-être à un autre point. Peut-être qu'on serait capable, justement, de pouvoir faire fonctionner notre cerveau comme on le voudrait pour les études universitaires. Mathieu, je te vois regarder sur le toit. Est-ce que je manque de concentration? Est-ce que je devrais faire prescrire quelque chose? Peut-être, tu vois. Ouais, mais si vous manquez de concentration, quelque chose dans votre vie, vous pourrez consulter parce que ça existe des affaires qui sont, faites pour vous. Oui. Et ce que vous vivez avec une posologie correcte, couvert par l'assurance maladie. Mm-hmm. Il y a plein de facteurs positifs à ça. Mais tu vois, ce qui est quand même intéressant, c'est que oui, il y a ça, mais il y a aussi tout l'aspect des gens qui n'en ont pas besoin. Ouais. Donc, exemple, hier, dans le documentaire... Tu pourrais juste dormir et prendre la caféine. Ben oui, c'est ça. La fille qui était dans le documentaire et qui expliquait qu'elle en consomme à tous les jours, mais elle en consomme de façon, selon elle, responsable. Oui. Parce qu'elle en prend une pilule par jour. Y a rien là, un petit peu comme dans le film, en fait. Le gars, il est à une pilule par jour. Ce qu'elle dit, c'est que oui, ça améliore les capacités parce qu'elle a quand même réussi à faire du multitasking assez remarquable à l'intérieur du cadre de son travail. Mais à ce moment-là aussi, c'est qu'il arrive en ligne de compte la manipulation. Okay. parce que pour s'en procurer, elle a dû aller voir un psychiatre. Et à ce moment-là... faker quelque chose. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, elle a dû faire toutes les recherches pour avoir les symptômes de quelqu'un qui a des problèmes d'apprentissage, quelqu'un qui a des problèmes justement à retenir ou problèmes d'attention. Donc, elle dit oui, c'est malsain à ce point-là parce que malheureusement, je dois manipuler quelqu'un pour m'en procurer. Mais du moment que c'est fait, mes capacités sont tellement bonnes et sont tellement poussées loin que ça vient tout simplement améliorer ma vie. Ouais. Et là, elle expliquait que depuis qu'elle prend ça, qui est depuis un an et demi à peu près, elle a quand même eu déjà deux bonus au travail. T'es donc vraiment en train de quasiment encourager les gens à le faire. Là. Non! Je dis pas ça. Parce que j'arrive justement au point où il y avait une autre personne dans le public qui était un psychiatre et qui expliquait que oui, peut-être qu'elle en arrive là, mais pourquoi elle veut en arriver là? Ouais. Parce que peut-être qu'on demande trop de productivité à n'importe qui. Parce que quelqu'un qui est en bonne santé et qui n'a pas nécessairement besoin de cette fameuse médication-là pour l'apprentissage et l'attention pratiquerait pareil son travail de façon normale. Pourquoi est-ce qu'on doit être aussi productif? C'est peut-être là la question. Et c'était vraiment intéressant comme documentaire à savoir jusqu'où les gens étaient capables de pousser leur cerveau et tout ça. Et ça m'a amené à connaître d'ailleurs Daniel Keylove, qui est un athlète de la mémoire. Oh wow! Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est vraiment quelqu'un qui va faire des compétitions de mémorisation, des compétitions. Il y en a plusieurs dans le monde. Le chiffre de pi jusqu'au millième... Des digitales, là, qu'on appelle en anglais, là, digitals. Digits. Eh bien, c'est vraiment l'apprentissage de tout ça. Certains peuvent se rappeler de 350 en 2 minutes exactement. C'est vraiment très, très impressionnant. Allez faire un tour, faites de la recherche là-dessus. Et Daniel Keylove expliquait que lui, quand il était jeune, il s'était fait prescrire ces médicaments-là parce qu'il était dans un monde peut-être où un jeune enfant ne devrait pas être, là, parce qu'il y avait un apprentissage et un monde quand même assez différent de ceux qui étaient dans sa classe, par exemple. Mais à un certain moment, il a demandé à ses parents de tout simplement arrêter parce qu'il se sentait incapable de pouvoir pousser ses propres capacités à ce qu'il voulait. Donc, pendant plusieurs années, il a arrêté le médicament sous ses réglementations à lui et bien évidemment avec son médecin qui le voyait quand comme même. Il faut faire, oui. Exactement. Et plusieurs années par la suite, autour de la vingtaine, lorsqu'il est arrivé à l'université, il a lui-même décidé de recommencer à prendre ce médicament-là en se demandant qu'est-ce que ça ferait. De nos jours, pour, à de son nos âge, jours, ouais, exactement. Rendu à 20 ans, est-ce que le monde dans lequel il vivait lorsqu'il était jeune était le même rendu à 20 ans? Ça, il n'en parle pas nécessairement. Mais il s'est rendu compte que c'était très, très, très puissant. Il dit « La capacité mentale que j'avais à ce moment-là était quand même assez remarquable. » Il dit « On s'entend, je suis quand même un athlète de la mémoire. » Il dit « Je voyais des choses et je comprenais des choses que je ne comprenais pas nécessairement, même en étant un athlète de la mémoire. » Ça reste intriguant. Ça donne envie quand même, mais il faut suivre l'ordre des choses. C'est que présentement, il n'y a rien qui réglemente ça. Il n'y a rien qui en fait la recherche. Peut-être qu'on le sait pas, et quelque part dans le monde, il y a de la recherche qui se fait par rapport à ça. Mais présentement, les tests ont seulement été faits pour les gens qui en ont besoin. Ouais. Donc, ceux qui étudient à l'université et qui décident de se popper quelques pilules de Ritalin pour pouvoir se concentrer le soir, je pense que vous êtes mieux avec 5 cafés pour le moment. Vous vous nuisez tellement pour le futur. Ouais. Mais tu sais, les gens, en tout cas... Mais les c'est gens, les jeunes, oui, c'est intriguant. Mais les gens très, très jeunes qui entrent à l'université, des fois, se croient vraiment comme tout est permis. T'sais. YOLO! Ouais. Mais ça, par exemple, les étudiants en médecine... sont des gens qui sont plus propices à avoir recours à cette fameuse pratique-là. Parce qu'ils doivent étudier énormément. Parce qu'ils doivent étudier énormément, ils passent beaucoup d'heures. Et c'est ce que ça fait, c'est que tu as une productivité et un multitasking tellement grand que tu ne vois pas les heures passer. Donc, c'est un petit peu quand même très semblable au film et à la série. Par contre, il y a plusieurs effets qui ne sont pas nécessairement comme dans le film. Par contre, on voit quand même, à un certain point dans le film, les gens devenir en manque et avoir cette espèce de besoin-là de cette pilule. Je tiens à dire que les effets sont pas aussi pires que dans le film ou dans la série, là, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, sachez-le, il y a des effets secondaires à long terme à ça. Et il faut quand même se poser les questions à savoir est-ce que les recherches sont meilleures attendons les recherches. Mettons. Oui, oui, oui. Laissons le temps filer un petit peu, mais c'est ça, les gens ils en veulent tout de suite, là, oui. Des performances, tout de mais suite. Mais laisse-moi te poser la question, oui. Si on te mettait ça dans la main et on te dit, tout à l'heure, tu vas te souvenir de tout ce que tu as déjà appris à la capacité maximale de ton cerveau. Uh-huh. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je serais probablement tenté, je pense. Ouais, hein? Ouais. Avoue, je pense que c'est ce fameux point d'interrogation-là. À savoir, tu sais, on sait que c'est pas une drogue dure. Non, c'est on sait ça. Que c'est pas une drogue nocive. L'effet est temporaire. L'effet est temporaire. Je pense que j'ai assez de contrôle sur moi-même pour ne pas être dépendant de quelque chose, mais ça reste à prouver. Puis je pense que le fait que les gens sont attirés par ça, c'est justement l'intelligence que ça amène. Mm-hmm. Tu sais, vous devenez pas plus intelligent, non. Non, ça fait juste ressortir votre mémoire que vous avez déjà. Exactement. Donc, je pense qu'à cause de ça, les gens sont plus attirés par ça. Ouais. Mais allez faire un tour sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Je vous pose la question. Si vous aviez la pilule dans votre main qui vous donne les capacités d'aller chercher tout ce que vous savez déjà dans votre cerveau et que vous êtes en bonne santé, le feriez-vous? Crime, c'est quasiment à croire que Limitless est genre un dérivé de Matrix. Tu sais, la pilule bleue, la pilule rouge, ça se ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal. La vidéo que tu m'as envoyée aussi sur Facebook, tu peux la mettre aussi sur la page Facebook. Je vais cool. faire ça. C'est d'ailleurs, sachez-le, c'est en anglais, mais c'est le documentaire australien du forum où ils ont discuté de tout ça. C'est vraiment très intéressant. C'est une vingtaine de minutes, mais prenez le temps de le regarder parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé. Il y a des gens qui sont spécialistes en médecine et tout ça, qui l'ont essayé et qui sont, par la suite, ils ont arrêté. Donc, vous allez voir vraiment tous les aspects de cette fameuse drogue intelligente-là. Et je serais tentée à dire que je ne sais pas ce que je ferais. Non. Je pense que je prendrais une moitié juste pour... Parce que c'est quelque chose qui est très, très, très intriguant. Vraiment. Savoir que tu peux avoir la capacité maximale de tout ce que tu as déjà appris, hey, c'est gros. Mais imagine-toi quelqu'un qui connaît pas l'anglais pour regarder ce documentaire-là, va juste chercher cette drogue-là. Oui, apprends l'anglais puis regarde la vidéo en même temps. Tu vas te rappeler de tous tes cours du primaire ça et du secondaire. Voilà. Non, pour vrai, encore une fois, on doit vous avertir de ne pas essayer ça non, sans exactement. Considération. Mais je pense qu'au Québec, c'est assez difficile à s'en procurer. Là. Internet. Ouais, ça, apparemment, ça, je vais pas le dire en non, monde. Mais voilà. C'est difficile. Pour ça vrai, se voit sur Internet. Je me suis. Ouais. J'ai essayé de me commander des médicaments, genre, à un moment donné sur Internet, puis c'est pas difficile. Oui, Canada. C'est très difficile, oui. Parce que c'est pas très légal. La réglementation est différente pour ce qui entre au pays. Mais tant mieux, parce qu'en même temps, les médicaments que tu fais prescrire, puis je le sais, parce que j'en ai quelques-unes des prescriptions, puis t'as pas le droit d'en prendre plus qu'un certain nombre quand tu vas à la pharmacie. Mais ce qui est difficile aussi, c'est de gérer ces gens-là qui en ont de prescrits à eux pour leur santé à eux, oui. Et qui les revendent. C'est ça. Ou même juste... C'est parce que la posologie est faite pour vous. C'est... Ou même les gens qui vont voir leur médecin qui disent « Bon, ma copine a un gros mal de tête en ce moment, mais là, elle est vraiment très occupé, elle peut pas venir. Peux-tu me prescrire quelque chose de vraiment, vraiment puissant? » Exactement. Un gros mal de dos, quelque chose comme ça. Puis la personne les garde pour elle. Oui, oui, cette fameuse manipulation. C'est ça, là. La fille l'entend après ça. Ben oui, on n'a jamais eu cette prescription. Bref, faites vraiment attention parce que pour vrai, le cerveau, c'est quelque chose d'assez fragile. Oui. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Moi, j'ai envie de te faire entendre une pièce qui n'a absolument rien à voir. Okay. Mais je me dis, à côté du cerveau, il y a les oreilles. Fait que voici Montréal Carnivore et les oreilles. Je te crie dans les oreilles. Pourquoi tu cries dans les oreilles? Parce que j'ai... Montréal Carnivore et les oreilles à Assemblage Requis au retour. C'est un fait, reste là. Oh! Il est tombé du toit, je pense. C'est pas vrai. C'est même pas vrai. C'est fou. C'est fou. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi 12 septembre 2016. Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, il reste seulement une demi-heure ensemble et on est lundi. Donc, lundi, c'est le jour approprié pour apprendre. Hein, tu l'as dit tantôt, les pilules, c'est pas la seule affaire qui existe. Non. Il y a des façons naturelles d'apprendre. Oui. Comme écouter la radio entre 6h30 et 9h30 le matin. Et voilà. Ou tout simplement de la pratiquer. Hein, lisez le plus possible. Puis, il existe plusieurs choses pour pratiquer sa mémoire. Tout à fait. Écoutez Assemblage Requis. Après ça, écoutez les rediffusions d'Assemblage Requis. Écoutez les meilleurs moments Assemblage Requis, vous allez comme entendre trois fois la même chronique, ça va être le fun. Et voilà. Donc voici, c'est un fait. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai pas ma clé USB, donc voici l'ancienne intro super plate de C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Les liens sont sur assemblagerequis.com si vous voulez soit suivre avec nous ou encore retrouver les sources plus tard pour les preuves. C'est pas si mauvais, là, comme thème. Non, non, c'est bien. Non, c'est un très bon thème, mais je le trouve un petit peu down. Ah, pas très motivant, tu sais. Ben, ça fait, on apprend. J'avoue. Bref, le premier film en 3D, Tania. Oui. C'était The Power of Love. OK. Un film silencieux, donc pas un talkie, le contraire, là, juste les images. Muet. Donc, sorti en 1922. C'était aussi le premier film à avoir une fin alternative où les téléspectateurs pouvaient choisir entre une fin heureuse et une fin triste. Les deux étaient filmés en 2D. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était fermer un de leurs deux yeux. Ah, oh, ouais. Tu regardais la fin heureuse, la fin triste. Oh boy. C'est le fun, hein? Ça s'appelle donc The Power of Love. Ça utilisait un système d'anaglyphie rouge et verte pour l'expérience 3D. Ça donnait donc l'option de deux fins en regardant seulement le rouge ou seulement le vert à travers les lunettes, dépendant de ce que tu voulais voir. Fin tragique, fin heureuse. L'URSS avait un concours de chansons télévisées. On a déjà entendu parler avec David Ferron voyons, c'était quoi déjà? Eurovision. Oui. Il y avait aussi l'Intervision Song Contest. Il y avait très peu de gens qui avaient des téléphones à l'époque. Donc, les téléspectateurs devaient allumer leur lumière de maison s'ils aimaient une certaine chanson et les éteindre s'ils aimaient pas la chanson. La compagnie d'électricité de la place enregistrait les pics de courant et donnait les résultats à la station pour déterminer les points de chaque participant. Justement, David Ferron, le plus grand fan d'Eurovision que je connais. Est-ce que tu connaissais le Intervision, David? Pas en tout, je viens d'apprendre quelque chose. J'ai entendu le mot Eurovision, puis je me suis couru et Tania a eu la gentillesse de me donner une extension et pour voilà. Pouvoir mettre mes écouteurs. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Service aux tables, littéralement. As-tu ça? Eh oui. Mais allume et ferme tes lumières. J'imagine que les gens qui participaient pas à ce concours-là et qui, par hasard, allumaient ou fermaient les lumières, participaient involontairement à ce concours-là. C'est ça le problème. C'est comme Jean-Marc Parent, quelqu'un qui flashait ses lumières. Lui, il savait pas ce qu'il voulait. C'est ça. Il votait pour et contre en même temps. Hey, mais c'était fou, justement. Je fais une petite parenthèse par rapport à Jean-Marc Parent, mais quand c'était populaire, parce que Jean-Marc Parent avait une émission. À TQS. Et justement, dans le quartier, on savait qui écoutait Jean-Marc Parent ou pas. Ah oh, oui, ça au c'est poids. Clair. Il savait au poids que t'écoutais. Mais non, mais ou pas. Oh, c'est une blague. T'as jamais fait ça, toi? Ben oui, j'ai déjà fait. C'est sûr, t'as déjà participé à Flash tes lumières. J'écoutais ça, ouais. Tout le monde a déjà participé à ça. Mais l'heure JMP, les trucs récents avec Juste pour rire, moi je... Ah non, mais à un certain point, quand ça fait 5 ans que c'est le même show que Run Man. On en revient, hein? C'est ça. Les enfants, il y a une tribu en Inde qui passe de génération en génération l'art de la manipulation des racines d'arbres pour créer un système de pont vivant. Ah, OK. Intéressant, c'est en Inde, une tribu. David, tu peux rester, t'es pas obligé de te débrancher tout de suite. Là. Tu fais ce que tu veux, mais t'es pas obligé de partir. Non, c'est le peuple Kazi. Un quasi-peuple de Meghalaya qui a remarqué il y a très longtemps que le ficus elastica, c'est un arbre, ils ont vu dans leurs racines puissantes l'opportunité de créer, de créer des ponts pour traverser des rivières. Donc maintenant, quand on a besoin, on fait pousser des ponts. Ah, c'est donc bien cool. Est-ce qu'on les fait pousser ou on fait dériver les... Dériver les racines. Ouais. C'est ça. En tant que tel, j'imagine avec la magie. Qu'on peut planter les arbres ou quelque chose comme ça. Donc, dans le fond, j'ai une imagination quand même assez débile. Ça ferait un bon film de Disney, ça. Oui, clairement. Ouais, ouais. Bon, je vais travailler là-dessus, avec, je vous reviens. Avec Baloo. Des balous. Est-ce que vous connaissez l'enfant acteur Jackie Coogan? Non, mais je sens qu'on va le connaître. Absolument. Donc, c'est un acteur enfant, Jackie Coogan, qui, lorsqu'il a eu 18 ans, il a appris que tout l'argent qu'il avait fait, entre 3 et 4 millions de dollars, avait été dépensé par sa mère, qui disait que chaque dollar que son enfant faisait avant l'âge de 21 ans appartenait à ses parents. Donc, en 1939, C'est qui? Oui. C'est le gars qui joue dans The Kid avec Charlie Chaplin. Hop, et c'est aussi le gars qui jouait le monsieur chauve dans La Famille Adams. Ben, Colin, tu vois. Entre 64 et 66. La première en noir et blanc. Oui, wow. C'est ça. Donc, en 1939, on a passé la loi de Coogan pour protéger les acteurs enfants. Oh. Maintenant, le prix de la poule aux œufs d'or. Oui. Rien à voir avec monsieur chose... Pierre, pas Corbeil, l'autre. Guy Mongrain. Guy Mongrain. C'est Guy Mongrain, oui. Donc, c'est le Golden Goose Award, qui est un prix qui rend hommage aux scientifiques dont les travaux qui ont reçu des fonds du gouvernement fédéral mais étaient considérés comme fous, bizarres ou obscurs lorsqu'ils ont été conduits pour la première fois, ces tests-là, mais qui finalement a amené des bénéfices ou des avantages significatifs à la société. Donc, c'est les poules aux d'or, les prix de la poule aux d'or. Il existe une variation du soccer où trois équipes s'affrontent en même temps. Ouais. OK. Donc, le three-sided football, une variation du football d'association où trois équipes s'affrontent au lieu de deux. Le terrain est en forme d'hexagone, c'est ce côté, c'est ouais. Ça, hexagone. Et puis, les équipes jouent de chacun de leur côté avec trois buts sur les côtés opposés. Donc, allez voir les photos si ça vous intéresse sur assemblagehockey.com. Un peu les mêmes règles que le soccer. Il y a une île volcanique qui s'appelle Aogashima qui héberge 170 personnes. C'est un planétarium naturel. Mmh. Étant donné qu'il n'y a rien autour pendant des kilomètres, le soleil brille tellement fort qu'on peut voir parfaitement la Voie lactée. Et il y a des photos, effectivement. C'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique. Ça doit coûter quand même terriblement cher y aller. D'aller là, je sais pas, en tant que touriste. Parce qu'ils ont un centre touristique. Probablement. Bienvenue à Aogashima. Centre touristique. Mais qui habite là? Est-ce que c'est des explorateurs, des scientifiques qui font juste observer la faune? Ah. Qui habite là? Aha! Ça fait partie de Tokyo. OK. Et l'île appartient à Tokyo, donc c'est le tourisme de Tokyo qui s'en occupe. Aogashima, donc. Aogashima. Ensuite, les scientifiques ont réussi à connecter le cerveau d'un patient paralysé à une tablette pour être capable d'aller sur Internet sans avoir à utiliser les mains ou rien du tout. C'est juste le cerveau qui contrôle la tablette. C'est fou. Vraiment fou. Ensuite, même pas besoin de pilule. Le pénitencier de Louisiana State. Ils en ont peut-être pris, tu sais pas. Le Louisiana State Penitentiary a été fondé en tant que plantation d'esclaves. Vous vous rappelez les esclaves qui ramassaient du coton, du melon d'eau. Et c'est toujours, de nos jours, une ferme, une prison ferme. Ah ouais? De nos jours. Pas ferme comme dans genre, t'as une peine ferme. Ouais, ouais. Une ferme, en tout cas, on se comprend. On a compris. On a compris. Un parc d'amusement au New Jersey. Ça, là, celui-là, il m'a marqué, je pense. Un parc d'amusement au New Jersey avait un trou dans sa clôture. Les enfants pouvaient utiliser le trou pour entrer et éviter de payer l'admission au parc. Le propriétaire le savait, mais n'a pas réparé le trou parce qu'il disait que les enfants pouvaient pas se permettre l'admission, mais qu'une fois entrés dans le parc, ils allaient quand même dépenser de l'argent dans le parc. Ben, c'est vrai. C'est vrai, pareil. Il était intelligent. Ah, quand même cool. Il est quand même très gentil, en fait. Oui, c'est ça. Ben, en tant que tel, tu dirais peut-être que, bon, il est gentil parce qu'il permet aux gens d'entrer dans le parc gratuitement, mais quand même, il espère que les gens dépensent l'argent. Ouais. Ah, dans le fond, payer moins l'entrée, mais dépenser plus pour les autres bébelles. Fait que c'est pas exactement. Si fin que ça. Tu sais, mettons, ils se font avoir au jeu là, de lancer dans une bouteille. Mais c'est un compromis, là. Ouais, c'est un bon compromis. Mais... Tu sais, si tu payes l'entrée, puis en plus, tu vas te faire avoir au jeu de bouteille, tu perds de l'argent. L'entrée devrait rien coûter. L'entrée devrait être tout le temps gratuite à ces affaires-là, puis tu payes pour les affaires qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai. Pour vrai. Je suis d'accord. C'est comme. Une fête foraine, c'est une fête foraine. Exactement. Les seuls endroits où tu devrais. Non, il n'y a pas d'endroit où tu devrais avoir à payer comme endroit public. Mettons, même les bars, là, avec le cover charge, tout ça, ça devrait pas exister, ça. La fourrure du chinchilla est tellement épaisse, tellement douce que les puces suffoquent s'ils essaient de vivre là. Ah ouais? Sur un chinchilla. Fait qu'ils n'ont jamais de puce. Non, c'est considéré comme la fourrure la plus douce du monde. 30 fois, pardon, plus douce que les cheveux humains. En fait, c'est la plus grande densité de fourrure de n'importe quel animal terrestre, avec plus de 20 000 poils par centimètre carré. Leur fourrure est tellement dense, comme on dit, que des parasites, en général, les puces et autres, ne peuvent pas vivre parce qu'ils vont suffoquer. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, parce que ça a l'air que les gens qui ont les cheveux frisés, donc t'as plus de cheveux denses, ça a l'air que t'as moins de chance justement d'avoir des puces. Si t'as des cheveux frisés, exactement, exactement. Ça serait une bonne émission de musique genre Dance Floor, c'est cheveux danse. Il y a un groupe qui s'appelle Science Cheerleaders. C'est des cheerleaders de la NBA, donc le basketball, et la NFL, donc le football, qui travaillent ou étudient dans la science et qui encouragent les filles à faire de la science. C'est pas T'as-tu génial? T'as-tu vu à quel point C'est pas des pichous, hein, en plus. Ben non, effectivement, je l'aurais pas mentionné. Mais, ouais, je le mentionne, ils sont très jolis. Effectivement, très jolis. C'est une association d'environ 300 cheerleaders qui sont soit présentement cheerleaders ou qui l'étaient à l'époque, qui étudient en STEM, qu'on appelle donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le premier service de musique en streaming, tu te dis, bon, c'était peut-être Spotify, c'est sûrement pas Apple Music. Non. Ça date, c'est quoi? Ça date de 1897. Ah, oh, ouais. Les gens qui étaient à New York pouvaient prendre leur téléphone et se connecter au Telharmonium, qui était un hub central qui jouait de la musique en direct par deux musiciens qui jouaient 24 heures sur 24. J'imagine pas les deux en même temps toute la journée. Ouais, c'est ça. Sinon, j'espère qu'ils étaient payés cher. C'est ça. Mais l'ancêtre de Spotify est. Oh, tu pouvais pas choisir la chanson comme Spotify. Comme Spotify. Pareil comme Spotify. À moins que tu sois premium level. C'est ça. Apple Music, tu peux pas choisir non plus. La toune? Ouais. Ben oui, si t'es abonné. La chanson. Si t'es abonné, tu peux choisir la chanson. Ben, c'est comme Spotify. Ouais, exactement. Si tu payes. Si tu payes, exactement. C'est ça, parce que Spotify, si tu payes pas, c'est la chanson qui joue. Ouais, mais t'as plein de pubs qui viennent avec. Puis c'est une liste random. Quand tu sélectionnes un album, tu sais pas dans quel ordre ça apparaît. T'as plein de pubs qui disent Hello, it's super fun music. Poum, poum. The new release of David Guetta. Poum, poum, poum. Now, let's get back to Enya. A classical song for you. Baby. T'écoutes vraiment ça souvent? Non, j'invente. This song for you, baby. À l'âge de 12 ans, Steve Jobs. Vous connaissez Steve Emploi? Stéphane Emploi, comme on l'appelle? Steve Jobs, fondateur de Apple, a cherché le nom de Bill Hewlett, qui est le fondateur de Hewlett-Packard, dans l'annuaire. Il l'a appelé au téléphone parce qu'il voulait créer un compteur de fréquences, mais il n'avait pas les morceaux pour le faire. 20 minutes plus tard, Hewlett a donné à Jobs les morceaux et aussi un emploi d'été chez HP pour fabriquer donc les compteurs de fréquences. Et c'est à ça. Tu sais, quand il y a des gens qui croient en toi. Et voilà, monsieur Stéphane Emploi. Le band de synth-pop I Am the World Trade Center a sorti un premier album qui s'appelle Out of the Loop en juillet 2001. Et la 11e pièce de l'album s'appelle September. Oh mon Dieu! C'est bizarre, hein? C'est vraiment biz. Ouais. Mais il y a plein d'affaires comme ça qui sont bizarres. Puis là, on répète, là, mais c'était en juillet 2001. Ouais, ouais. C'était avant, on s'attend. Ouais. Je trouve pas la. Est-ce que j'ai la chanson? Non, on dirait que j'ai juste d'autres chansons d'eux autres. J'ai pas September. Oh, mais ils l'ont probablement. Renommé, Ou délité, ouais. Tu sais. Mais bref, le groupe s'appelle I Am the World Trade Center. Les travailleurs de la sanitation genre les déchets, les égouts, les trucs comme ça, là, la propreté. J'ai les paroles, par exemple. Oh, raconte-nous. Attends. Sors-nous là, en fait. J'ai même le. Non, ça, c'est le vidéo qui s'appelle Lyrics. Ouais, je sais, j'ai pas les. Mais moi, je me demande si ça a boosté leur carrière ou au contraire, ça a mis des bâtons dans les roues. Ah, ben eh bien, en fait, vois-tu, les paroles ne sont pas disponibles. Ah. Donc, tu peux pas retrouver cette chanson-là. Je pense que toute trace a été effacée avec le temps. Il y a plein de pièces d'eux autres pour vrai sur YouTube. Vous allez voir, il y a la chanson Topic, la chanson Metro, No Expectations, mais je ne trouve pas September. Donc, les travailleurs de la sanitation à Karachi, au Pakistan, souvent sont complètement submergés dans des déchets d'égouts alors qu'ils travaillent et doivent utiliser leurs mains complètement à leurs mains nues pour tasser les déchets dans les égouts quand ils travaillent là-dedans. Mathieu, je t'envoie un lien, tu devrais avoir la chanson là-dessus. Es-tu sérieuse? Ouais. Non, mais fine, on va se quitter avec ça à la fin de la chronique. Il y a une lumière de 20 étages de haut sur une bâtisse dans le centre-ville de Stockholm. Et n'importe qui a un téléphone cellulaire peut changer la couleur des lumières qui brillent sur la bâtisse. Ah ouais. Les créateurs espèrent que ça va être, que ça va parler en fait du pouvoir de la démocratie, du pouvoir du public. C'est pour ça qu'ils ont créé ça. Mais ça doit changer aux secondes. Oui, exact. Il y en a combien qui passent devant? C'est ça. J'imagine qu'il y a un délai, qu'il faut que ça dure un minimum de certains temps. J'espère. Quand même. Ensuite, il y a une compagnie japonaise qui utilise la réalité augmentée pour communiquer avec les morts. Hein? On connaît Pokémon Go, très à la mode, un petit peu moins quand même qu'au mois de juillet et juin. Donc, la réalité augmentée qui est de retour à la mode, ça a attiré l'attention de plusieurs millions d'utilisateurs. Mais maintenant, on a une compagnie japonaise qui entre dans le domaine avec leurs propres produits et c'est une compagnie de pierre tombale. Ryoshin Sekizai a développé une application nommée Spot Message et le président de la compagnie, Yoshiyuki Katori, dit que ça a atteint son but qu'il avait de préserver la mémoire, le souvenir des êtres chers qui sont décédés. Donc, l'application utilise la réalité augmentée pour permettre aux utilisateurs d'attraper des vidéos préenregistrées de leurs êtres chers à partir de leur pierre tombale. Donc, tu vas dans un cimetière, il y a une pierre tombale, tu passes ton téléphone, t'as une photo des gens, genre tes grands-parents. peux qu'ils s'attrapent. Mais c'est un petit peu creepy, non? Mais ça. Donc, il était inspiré à développer une meilleure façon de préserver les souvenirs quand il a perdu son oncle sans s'y attendre. Il disait qu'il visitait souvent la tombe de son oncle pour le consulter sur des trucs qui le troublaient. Donc, il s'est dit que ce serait réconfortant de pouvoir lui parler et que lui puisse me parler avec des messages vidéo comme « Comment ça va? Accroche-toi, ça va bien aller. » Parce que dans le fond, c'est des vidéos préenregistrées de la personne morte, tu comprends? OK, fait qu'il faut que tu lui demandes avant de... C'est ça. Qu'elle meure. Exactement. Okay. Donc, la compagnie donc fait la publicité aux membres de famille qui espèrent laisser des messages pour leurs êtres chers après leur mort. Katori dit aussi que ça pourrait être utilisé pour laisser des messages dans plusieurs autres endroits. Par exemple, bon, un mari pourrait... en fait, ça dit que le mari a demandé en mariage sa copine ou sa femme future lors de leur anniversaire. Donc, elle devait monter dans la montagne, je sais pas pourquoi, puis prendre une photo, là, je sais pas trop l'histoire. Là. Mais bon, ça pourrait servir pour plusieurs autres choses. L'application Android est gratuite, jusqu'à 10 messages, et après ça, il faut. On peut payer pour avoir jusqu'à 30 messages et partager jusqu'à 200 personnes dans les serveurs dans le nuage. Eh boy. C'est particulier. Je suis pas certaine. Ouais. On vient aux arbres. Il y a un arbre qui s'appelle Bunyan, donc Bunyan Tree, qui officiellement est sous état d'arrestation et enchaîné depuis 100 ans. Hein? L'arbre a été arrêté en 1898 par un officier de l'armée britannique, James Squid, donc Jean-Pierre, sous l'influence de l'alcool. On dit que l'arbre, en fait, James Squid était influencé par l'alcool. Il pensait que l'arbre s'en venait vers lui. Les boys. Donc, il se sentait menacé par les mouvements de l'arbre et les officiers ont décidé d'enseigner, de montrer une leçon à cette personne-là en arrêtant l'arbre. Voilà. Et c'est même écrit sur l'arbre, je sais pas si c'est gravé dedans, mais « I am under arrest ». Donc, un soir, un officier britannique qui... Ah, c'est l'officier britannique qui était sous lui-même. Oui. Je trouvais que la phrase était drôlement écrite. Donc, l'officier britannique de l'armée était lui-même sous. Oui, et voilà. Eh ben, je pensais que c'est le gars qui avait arrêté, là. Évidemment, en 1942, avions d'entraînement pour la Royal Australian Air Force se sont foncés dedans en plein dans les airs. Ils se sont presque fusionnés. Ils ont fini par être attachés ensemble. Les deux allaient dans la même direction. C'est devenu donc un biplane, si on veut. Et puis ils ont pu atterrir prudemment. Le pilote a réussi à faire atterrir l'avion. Il n'y a pas eu de mort non plus. Donc deux avions qui se sont vraiment foncés dedans. Plank. C'est gentil. C'est devenu un seul avion, une fusion des choses. Oh. Mm-hmm. Ouf. Donc voilà, pour c'est un fait. Est-ce qu'on a la chanson September de Tu devrais I l'avoir Am sur Rushed le site, Center? Un petit peu plus bas. Ah, ici, ici, ici. Ok, je l'ai, je l'ai. Ah oui, merci pour la. Oh, ouais. Oh, yeah. Spotify. On espère que c'est ça. Ben non, c'est non. Les Rolling Stones qu'on vient d'entendre, les Michel Turner. Hey, c'est donc bien gossant, ça. C'est censé être ça. Attends un peu, je pense que je sais c'est quoi l'histoire. Ça dit que je dois m'inscrire. Ah oh non! Ils vont m'envoyer le mot de passe par courriel. Ça va être malade, ça va être malade. Pour vrai, là. Mais ça donnait quoi sur YouTube? Comment? Je sais pas, Mathieu, il dit qu'il est pas trouvable sur YouTube. Oh, non, c'est ça, je m'excuse. C'est comme le mystère des Bermudes. Peut-être que ce groupe n'existait pas. Non, peut-être. Mais peut-être que ça a été demandé d'être retiré. Ah, une grosse attrape. Ben, c'est comme, en fait, le groupe Anthrax, parce qu'après le 11 septembre, il y a eu des menaces à l'Anthrax qui a affolé toute l'Amérique. Donc, il y a un groupe métal qui s'appelait Anthrax qui a changé momentanément le nom. Ouais. Ça, peut-être que c'est le même problème. Peut-être que c'est un autre nom. Maybe, maybe not. Bon, je pense que ça veut pas. Ça fonctionne pas, hein? Ouais. Parce que je fais play, puis ça veut pas. Mais le groupe I Am the World Trade Center, ça existe quand même. Oui, exactement. Ben, au pire, on peut entendre une autre pièce de I Am the World Trade Center. Au pire, là, juste pour le faire. Ben oui. Là, parce que là, à un moment donné, il faut bien finir avec quelque chose qui a rapport avec la chronique quand même. Donc, les voici. I Am the World Trade Center, la pièce Metro. À son âge, Ricky. Ben, c'est bon? Ben, hein, c'est malade. My the World Trade Center avec la pièce Metro. C'est pas mauvais, l'enregistrement est mauvais. Ouais, on dirait que ça a été enregistré dans un fond de piscine. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même bon. I am the World Trade Center. Hey, qui, j'ai une plus dîner. Hey, bravo. Oui, Tania, par la chronique tantôt, c'était quoi? C'est un fait qu'on faisait. On entendait peut-être un petit peu en arrière-plan se vider le nez de son sang. Oui, exactement. Marre pas, Tania. Ça va, c'est vraiment juste les allergies qui font ça. Ouais, je te comprends. Tu prends rien pour ça? Oui, des réactines. Tu prends pas des sprays? J'en ai fait hier. Moi, je prends un corticostéroïde. Bon, salut, Nex. Oui, et ben. Bon, dites-nous, c'est quoi vos sprays de nez? Nos problèmes médicaux. Oui, on fait un sondage sur la page Facebook. Et voilà. C'est quoi votre préféré? Après, prépariez-vous la pilule pour vous rendre intelligent. Quels sont vos jets de nez? Ouais. Voilà. On a eu ce plaisir aujourd'hui, Tania. Merci d'avoir été là. Oui, merci à toi, Mathieu. Ouais. Merci à David Ferron aussi d'avoir passé quelques minutes avec nous. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Et la semaine du 12 septembre est un petit peu floue. Ouais. On ne sait pas encore quel jour on va être là, on devrait être là la plupart du temps, donc surveillez-nous. De toute façon, il y a quelque chose dans la case horaire, quoi qu'il arrive. Donc 6h30 à 9h30 du lundi au jeudi. Sinon, sur nos ondes, aujourd'hui à midi, le Voyage Insolite sera là avec Culture Rock, Cinéma et Littérature Fantastique. À 13h, la rediffusion de Rock Classique avec Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. Ça, c'est l'horaire du lundi soir. Pour l'instant, les émissions d'automne vont commencer à revenir au lundi soir graduellement pendant les prochaines semaines. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Encore une fois, merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à vous, les requins. Bonne journée, bye! Bon café!